Le nouveau Don Diablo, il est DJ résident Party Fun avec Steve Aoki et des Italiens, Lutch and Simon, ça s'appelle What We Started. Tout à l'heure minuit, Party Fun by DJ Mac France, ce sera Deep End au platine entre minuit et 1h, donc tout à l'heure pour ma part, JB. Pour l'instant, je... Oui, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, j'accueille le Doc et Karel de Love in Fun. Salut les copains. Salut. Salut. Bon alors, la très bonne nouvelle, et on va faire beaucoup de bruit dans le studio, c'est que, va chier de Bruno dans la radio, sa femme... Elle a accouché. Ah bon? Ah bah oui. Ce soir, c'était la grande nouvelle d'aujourd'hui. Il m'a envoyé un SMS à 19h20, un petit Georges, et tout va bien, donc Vaché, on t'embrasse. Bravo. Bravo. Bravo. Vaché papa. Félicitations Vaché. Il est papa. Il y est arrivé. Ouais. Oh, c'était inespéré, hein. Je le connais depuis des années, on n'y croyait plus. Ah bon. Je peux vous lire son texto parce qu'il est quand même magique. Ouais. On sait enfin pourquoi Mariana, donc sa copine, avait mal au ventre depuis 9 mois. Tout à l'heure, par surprise, un enfant est sorti de ses fesses. Je crois. Il pèse 3,4 kg, mesure 51 cm. Il s'appelle Georges. Il est accessoirement le plus beau gosse de la galaxie. On l'aime déjà comme des fous et on a hâte de pouvoir vous le présenter. Félicitations à Vaché et à sa femme. Voilà. C'est un bon poids pour un nouveau dé, c'est bien. 3,4 kg. Ah, oui, ouais. Ah, c'est beaucoup, non? 51. Non, c'est normal. Ah, bon, d'accord. Voilà. Pas non plus exagéré. Il est pédiatre, hein, donc vous pouvez y aller, les gars. Ouais, il maîtrise le domaine. Moi aussi, je suis pédiatre, ça va. Oh. Toi, t'es pédiatre? Ouais, je suis pédiatre. Ouais. Ah, bah, vas-y, pose-moi une question de pédiatre. Quelle est la taille moyenne d'un enfant à 2 ans? 23 cm. Et ben voilà. C'est bien, c'est... Non, mais là, je te parle pas du sexe. C'est ton sexe en érection. C'est pas pareil. Pardon. Allez, bande d'arnaque. Salut. Allez, salut, les gars. Ciao. Vous voulez faire de la radio avec nous? Ladies and gentlemen, please welcome. Tous les soirs. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h. Avec Doc, Karel et Alice. Radio. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Fun Radio, on est jeudi soir, ouais. Très content d'être avec vous, ça va être une soirée magique, je vous le dis, une belle soirée qui nous attend ce soir sur Fun Radio, très content de vous retrouver, je m'appelle Karel, check toute l'équipe, Doc est avec nous. Salut à toutes et à tous. Et t'es pas venu tout seul aujourd'hui, bah ouais. Doc. T'es venu avec Katoche, c'est génial ça. Comment ça va mon amour? Ça va bébé? Ça va mon chéri. Ah ça y est, elle est venue avec des chocolats. Ouais alors c'est énorme parce que Katoche, des mini bites. Elle a ramené des mini bites. C'est des chocolats qui s'appellent des mini bites. J'imagine que Katoche aime les mini bites. Non mais c'était pour que vous soyez pas complexés. D'accord, ok. Bah, ouais. Elle nous connaît bien dans non, cette équipe. Non mais c'est justement parce que je les aime pas trop alors je voulais vous les offrir. Ah bah c'est sympa. Ah merci. Alors si vous venez assister à l'émission. Mini. Tu préfères les maxi bits. Et, bah, Eh ben, j'ai l'impression que ce soir, on va vivre une soirée magique. Elle est extraordinaire. Si Katoche se lâche comme ça, on va en apprendre un petit peu plus sur Doc. Hein. Je vous le dis tout de suite. Comment ça va, Alice? Bah écoute, ça va très très bien. Tu veux une mini bite? Bah avec grand plaisir. Katoche m'a dit que c'était à sucer sans modération. Eh ben voilà. Alors je pense que je vais me faire plaisir ce soir. Distribution de mini bites dans le studio La Vie Fun. On est filmé. Hein, si vous voulez voir tout ce qui se passe dans le studio funradio.fr, bien sûr Godefroy est à la race. Ça va, mon Godefroy? Nickel. Une mini bite. J'ai ce qu'il faut. Ah, d'accord, ok, je n'en doutais pas. Kassim le producteur. Ah oui. Il ne se remet pas de ce que vient de dire Katoche. J'aimerais bien passer une soirée avec Katoche en tête à tête, ce serait. Non, ça serait kiffé. Ça va être dur parce que je suis là. Ouais, Tu viendras nous chercher, Doc, t'inquiète. 01 42 48 5000, vous nous appelez tous les soirs sur Fun Radio. Au standard, bien sûr, ce sont nos deux beaux gosses. Une belle gosse, un beau gosse, Guillaume et Cindy. 01 42 48 5000. D'ailleurs, ils vont nous passer tout de suite Corentin. C'est notre auditeur du soir, il a 14 ans, il est d'Avignon. Salut Corentin. Salut Kamel, salut Doc, salut Alice. Je peux me permettre de t'offrir une mini bite? Ouais. Eh ben voilà, avec grand plaisir. Tu vas être notre auditeur toute la soirée, Corentin. Il paraît que t'es un champion, toi. Ah ouais, apparemment. Il paraît que t'es très fan de l'émission, tu nous écoutes tous les soirs. Oui, c'est ça, en plus. Et t'avais envie de participer ce soir à l'émission. Oui. Tu connais le principe de l'auditeur du soir. Tu dis ce que tu veux. Oui. Si tu veux, si tu veux réagir, tu veux déjà dire un truc, là? Non, pas pour l'instant. D'accord, ok. C'est quand tu décideras. On te dérange pas, là, non? T'es où, là? Non. Ah bon, d'accord. T'es où, Corentin? Là, pour l'instant, je suis dans ma chambre. D'accord, ok. Bon, eh ben, tranquille, détends-toi, et on va tout de suite accueillir Élise. Elle a 21 ans, elle est de Nice. Bonsoir, Élise. Salut, Karen. Salut, Doc. Salut, Sklecky. Salut, Élise. Qu'est-ce qui t'amène dans l'émission? Tu veux savoir quoi, toi? Ben, en fait, je voudrais savoir comment devenir une star, parce que j'ai trop envie d'être une star. Comment devenir une star? Une star de quoi? Ouais, tu veux être une star de quoi? De n'importe quoi, tant que je suis connue, ça me va. Parce que je sais pas trop bien chanter, ni danser. Aïe. Donc, aïe. Pas savoir une télé-réalité ou je sais pas. Alors, d'accord. C'est une question qui revient souvent, ça. Comment devenir une star? C'est vrai qu'avec la télé-réalité et tout, on a l'impression qu'on peut devenir une star comme ça du jour au lendemain. Quel genre de star, quoi, tu vois? Mais pourquoi devenir une star? Voilà la vraie question que tu dois te poser. Pourquoi tu as besoin de devenir une star? Bah, après, je sais pas, comme il y a tout le monde qui m'aime et tout. Mais voilà, t'as besoin d'être aimé et tu n'es pas aimé. Bah, je sais pas que je suis pas aimé, mais voilà, au moins, il y a tout le monde qui t'as pas tout, toi, t'as tu pas... du truc facilement, okay. Tu fais rien de tes journées. Ok, t'as pas confiance en toi, toi. T'aimerais être... Si je veux devenir une star. Non, je crois pas forcément. Pas forcément, justement. 01 42 48 5000, n'hésitez pas à nous appeler si, voilà, quand vous entendez Élise qui veut devenir une star, c'est quelque chose qui vous parle ou vous comprenez pas pourquoi on veut devenir une star. Moi, je crois que, en fait, il faut juste avoir un talent, ne surtout pas vouloir devenir une star. Voilà. Et peut-être qu'avec de la chance, bah, tu vas en devenir une, mais sans le vouloir, en fait. Et ton métier, c'est quoi, prochain? Bah là, mon métier actuellement, je suis serveuse. D'accord. Ah, c'est ça, t'aimes pas. Donc je peux toujours être serveuse pour des grandes stars, on sait jamais. Ah ouais, non mais bien sûr. Quand tu vois les stars de la télé-réalité, tu sais, toutes les stars qui défilent dans les émissions, Secret Story, etc. Pour toi, c'est des modèles? Bah pas forcément, parce qu'au bout d'un moment, quand l'émission elle est finie, ils sont plus rien. Mais ouais, c'est déjà un bon début, quoi, pour être quelque chose, parce que mec, ils arrivent quand même à faire quelque chose après, soit être animateur ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce qu'on a ce besoin de reconnaissance parfois, Doc? Oui, bah parce que quelquefois on est un peu abîmé dans la vie, on a besoin finalement d'être reconnu et plus que reconnu pour prendre un peu confiance, pour conforter sa personnalité. Mais je pense que c'est un leurre total, parce que je te dis, je crois savoir que la plupart des stars sont pas forcément des gens heureux dans la vie. Ils sont parfois même des gens très malheureux. Il y a même qui se suicident, pour te dire que c'est pas forcément un épanouissement. C'est pas parce qu'on est une star qu'on est forcément puis, heureux. T'es quoi. Connu ou reconnu, je vois pas. Enfin voilà. Mais Élise, est-ce que t'es heureuse? Bah ouais, je dirais ça, quoi, à peu près. Et que, juste simplement qu'on te prenne en photo, que tu sois dans les journaux, par exemple, ça t'irait. Ouais, puis faire de l'argent facilement et tout, rien faire de mieux. C'est ça. Oui, bon, pourquoi pas. Enfin, d'abord, c'est pas de l'argent facile, et puis je suis pas sûr que. Moi, tu devrais réfléchir, t'as 21 ans, il y a quand même mieux à faire dans la vie. Les petits bimbos qui se trimballent dans les télé-réalités sont du fric facilement, quoi. Ouais, mais tu sais, ça dure qu'un temps. Et attention, parce que moi, j'en ai croisé pendant la célébrité, j'en ai croisé après la célébrité. Et je peux t'assurer, parfois, l'atterrissage, il est pas terrible, quoi. Je crois même que le décollage est pas bon non plus, si tu veux. Mais enfin, bon. Il y a beaucoup de réactions. Hein. Ça réagit beaucoup. Élise, c'est pas la seule. Hein. C'est pas la seule à vouloir devenir une star comme ça. Loïc, t'es là? Ouais. Allô. Salut Loïc. Salut. On se fait un petit débat là en début d'émission. Voilà, Élise nous appelle. Elle nous dit je veux devenir une star. Bon, elle est serveuse. Elle a pas forcément un talent en particulier, mais elle veut être connue. Elle va être dans les magazines. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Loïc? Moi, qui est sympa. Pour devenir une star. Ouais. Pour avoir un bon cul. Un bon cul. D'accord. Ça, c'est la base. Ok, d'accord. Être bien foutu. Ouais. Et après, voilà, quoi. Je pense qu'à partir de là, déjà, elle peut faire quelque chose. Je regarde la télé-réalité. C'est un peu con aussi, parce que je trouve la télé-réalité, c'est un peu con quand même. Pour les il faut être un peu con. Aussi, toi, après, je sais pas, je déconne peut-être un peu. J'aime pas trop ces émissions, mais je trouve que voilà, ils sont un peu. Mais franchement, les gens qui font les télé-réalités, c'est pas des stars, quoi. Les stars, c'est les. Non, je sais c'est pas, des moi, perturbés c'est... mentales, c'est pas pareil. Non, mais ça marche. Sans les juger, parce que tu sais, maintenant, ces émissions, elles sont vachement fabriquées, quoi. On leur demande de jouer des scènes. Tu sais, à l'époque, au début de la télé-réalité, en fait, c'était vraiment filmé 24 heures sur 24. Puis après, le CSA s'en est mêlé, il y a des pauses. Maintenant, il y a carrément des scénarios qui font. Ouais, voilà, il est là le problème. Et en fait, je pense qu'il faut être un peu timbré pour suivre ça, quoi. Donc, c'est du bon principe. Mais même pas, pourquoi pas? Je veux dire, moi, j'ai rien contre ceux qui font de la télé-réalité. C'est un délire, quoi. Non, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la misère affective. Quand on a vraiment une capacité d'émotion, une capacité à aimer, une capacité à s'intéresser à l'autre, on va pas chercher ça, on va pas chercher une reconnaissance. Parce que dans la réalité, les stars n'ont pas de vrai contact avec les gens qu'ils admirent. Il y a pas de vrai lien humain. Et puis je crois que c'est extrêmement lassant. Enfin bon, tu fais ce que tu veux, Élise, mais je suis sûr que de ta vie, tu peux faire d'autres choses. Élise, t'es serveuse, tu veux pas faire un autre métier? Qu'est-ce que tu aimerais faire comme métier? Ben, être connu, quoi. Ah, oui. D'accord. C'est pas un métier. C'est pas un métier, ça, ma chérie. C'est pas se réaliser. Je sais pas comment te dire. Moi, je suis médecin, je suis pédiatre, d'accord. J'ai ramé pendant longtemps, ça, c'est sûr. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'accomplissement dans ce que tu fais. Et sur le plan humain, je ne suis pas sûr qu'on s'accomplisse de façon aussi superficielle. Je te le dis. Alors, après, peut-être. C'est pas forcément un métier que j'aime, parce que j'aimerais bien, par-dessus, c'est un manager artistique. Mais bon, après. Mais attends, tu sais, je vais te dire. Les artistes, ils bossent énormément. Faut arrêter de dire que les artistes, c'est comme ça, ils arrivent, ils ont une belle gueule et paf, ça démarre. Non, il y a des artistes dans tous les domaines, la peinture, des sculpteurs, des joueurs de la théâtre, musique, des acteurs de la musique et tout ça, mais c'est des mecs qui travaillent énormément. Alors, il y a un accomplissement là-dedans, et c'est pas la même chose. Et aller se montrer, aller montrer son cul dans une télé-réalité, se faire sauter dans une piscine, excuse-moi le terme, et devenir une star pour ça, je sais pas si t'as vu le résultat de la première, c'est quand même pas ce qu'il y a de mieux. Loana, c'est vrai qu'elle a morflé. Elle a morflé, peut-être qu'en plus, elle a peut-être du talent ou des qualités, cette fille, j'en sais rien, je la connais pas. Mais voilà, il faut combien que tu comprennes ça, Élise. Tu es en train de t'enliser dans quelque chose qui va pas te satisfaire. Jonathan, Jonathan va intervenir, il a 24 ans de Clermont-Ferrand. Salut Jonathan. Salut. Salut tout le monde. Salut Jonathan, t'as entendu Élise, tu voulais réagir, on t'écoute. Ouais, bah justement, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai eu un peu cette ambition de vouloir devenir une star, en fait. Ouais. Et donc, c'était il y a au moins une dizaine d'années. Et en fait, en travaillant, en fait, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube, j'ai été critiqué pendant une grosse période et tout ça. Ouais. Et donc, finalement, par rapport à ce bad buzz, j'ai été repéré par un label. Et au final, je travaille, avec un label, je travaille sur des sons, et là, j'ai sorti mon tout premier single et tout ça. D'accord. Donc, voilà. Et là, justement, on va tourner un deuxième clip bientôt, et justement, on cherche de la figuration. Donc, si elle veut commencer par des figurations de clips, des choses comme ça, c'est possible. Okay. Ça peut être. C'est déjà un peu différent. Je suis pas. Alors là, ton chemin est totalement différent, parce que t'as quand même beaucoup travaillé. T'es resté dans l'ombre, t'étais pas sûr d'être découvert, mais t'as réalisé quelque chose. T'as eu un vrai parcours. Oui, une passion, quoi. Oui, mais t'as travaillé et pas, sans être sûr du résultat, parce que je crois que quand on s'investit là-dedans, on n'est jamais sûr du résultat. Je sais pas si tu comprends ce qu'on dit en fait, Élise. Tu comprends nos arguments quand on te dit que voilà, pour devenir une star, faut peut-être d'abord ne pas vouloir devenir une star, avoir un vrai talent et bosser. Faut avoir quelque chose de basique, Et travailler. Faut beaucoup travailler. Parce que les personnes qui sont dans les téléréalités sont pas des stars. Enfin, je veux dire, pas une star comme Sophie Marceau, par exemple. Tu vois, c'est une star, quoi. C'est... Oui. On a Jérémy aussi qui est là. Salut, Jérémy. 31 ans de Pont-l'Évêque. Salut. Salut. Salut, Jérémy. Salut. Ça va? Ça va et toi, mon pote? Ouais, ça va. Je rentre du taf. Je me suis arrêté. Donc, je suis avec vous et je suis très heureux de l'être. Eh ben, tu es ma star ce soir, Jérémy. Ah. Tu es ma grande vedette. Tu nous appelles pour réagir. Hein. On t'écoute. Ouais, je réagis parce que moi, j'ai eu une amie. Elle est devenue célèbre à son époque. Hein. Elle est devenue actrice de X. Une star du cul. Ouais. Exactement. Et maintenant, elle fait partie de tous les oubliés. C'était qui? Voilà, tout simplement. Peut-être que j'ai Finalis. Comment tu dis? Tinalis. Ça me donne des idées. Je vais googliser, hein, bien sûr. Hein. Non, mais c'est ça. Et les stars oubliées, tu sais qu'il y a des sites comme ça, hein, les fameuses stars dans les années 80, 90 et tout, et maintenant qui font plus grand chose, quoi. Oui, bien sûr. Elle, c'était une star des années 2000. Mmh. À l'époque, ils parlaient d'elle comme la future Clara Morgan. Bien sûr. Elle a présenté le journal du HNN, c'était un magazine Hot Vidéo, je crois, si je me rappelle bien. Ouais, truc de cul, quoi. Et donc, elle était assez célèbre à son époque, et du jour au lendemain, tout s'est arrêté. Et maintenant, elle est plus que le fantôme de son passé, c'est-à-dire que les gens l'embêtent encore par rapport à son passé. Ah, merde. Mais elle n'a plus rien à voir avec ce monde-là. Il faut assumer. Est-ce qu'elle est heureuse dans la vie? Elle est heureuse. Elle fait quoi? Maintenant, elle est chez Sephora. Donc, elle bosse, elle a un super boulot, elle est contente, elle a une vie de famille. Aux dernières nouvelles, oui. Malheureusement, j'ai perdu un peu le contact. Moi, je verrais plutôt ça, tu vois. L'accomplissement, il est peut-être là, il n'était pas avant. Voilà. Élise. Oui, voilà, exactement. Élise, c'est pas je veux devenir une star, en fait. Je veux juste être heureuse dans la vie, tu vois. C'est ça, profiter, quoi. C'est un beau projet. Oui. Bah ouais. C'est ça qu'on te conseille, en fait, Élise. D'accord? Ouais. N'oublie jamais une chose importante. Quand tu travailles le bonheur pour toi, tu donnes aussi du bonheur aux autres. Voilà. Oh, bravo. Tout ça pour impressionner Katoche. Ah, sans déconner, quoi. Non, mais on parle tout le temps. Qu'est-ce que tu dis, Katoche? C'est du lourd, le doc. C'est du lourd de qui ce soir, hein? Attention. Regarde-le, il est fier. Il est fier de lui. Non, ça fait partie de nos réflexions communes. Et cette réflexion-là, on l'a eue ensemble. D'accord. Donc, elle l'a eu avec moi, Catherine. Un grand philosophe. Toi aussi, tu dis la même chose que moi. Non, mais c'est-à-dire que si ça continue comme ça, à 22h, Doc, il va pleurer à l'antenne en direct. Hein, je vous le dis, moi. Je pleurer n'est pas réducteur. Oh. Élise, je te fais un gros bisou, en tout cas, ma chérie. Je te souhaite d'être heureuse. Surtout, c'est ça le plus important. Je fais gros bisous aussi. Gros bisous, ma chérie. Et salut. Je remercie Loïc, Jérémy, Jonathan. Vous voulez des mini-bites? Ouais, allez, Katoche nous a ramené des mini-bites, là, des chocolats à sucer. Voilà. on distribue ce soir. Allez, salut tout le monde. Et on sera avec Pierre, 14 ans de Narbonne, dans un instant. Bonsoir, Pierre. Salut toute l'équipe. Salut, Pierre. Un petit problème de rhume en ce moment, j'ai l'impression. Ouais, problème de rhume. Ouais. Ah oui, bon courage. Hein. Arrête de te foutre de sa gueule, Cassim, s'il te plaît. Ouais, salut. Ok, d'accord. Ouais. Non, tu peux lui dire ta gueule, Pierre, s'il te plaît? Va te faire foutre, Cassim. Voilà. tu nous appelles pourquoi, Pierre? En fait, c'est pour savoir pourquoi les filles jouissent plusieurs fois et que les garçons jouissent qu'une fois. Bonne question, excellente question. On en parle dans un instant, bien sûr. 01 42 48 5000. Il y aura le chiffre d'Alice, le défi fallait pas demander aussi, comme tous les soirs à 21h, avec le jeu FIFA 17 à gagner. 01 42 48 5000. On revient avec Richard Olinsky, Heartbeat sur Fun Radio. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Info. Dès votre réveil, Bruno. C'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Cette semaine, à l'occasion de la Paris Games Week, jouez à 8h30 au jeu des 30 secondes et gagnez votre pack PlayStation. Est-ce que tout le monde est prêt? Avec une PS4, le jeu The Last Guardian et vos passes pour le salon. Et ben voilà, c'est gagné. Wow, merci Bruno, merci Fun. Ça se gagne chez Bruno dans la radio sur Fun Radio. Paris Games Week, le rendez-vous incontournable du jeu vidéo en France. Du 27 au 31 octobre, porte de Versailles. C'est déjà l'automne, c'est déjà l'hiver. Chaussures et accessoires Nero Giardi, le made in Italy. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Fun Radio présente Bruno dans ton club. Bruno. Au BPM Lounge, à Belleville, entre Mâcon et Lyon. Demain soir, venez faire la teuf sur le meilleur du son dance floor. Salut, c'est Bruno. Je vous donne rendez-vous demain soir pour une soirée de malade avec Elliot. Regarde ce que j'ai appris à faire avec les platines, Bruno. Arrête ça tout de suite, Elliot. Oh, je trouvais ça pas mal. Fun. Bruno dans ton club. Au BPM Lounge, à Belleville, entre Mâcon et Lyon. Un événement Fun Radio. Le son dance floor. Et je compte sur vous, hein. À demain soir. Plus d'infos sur funradio.fr. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Pour soutenir ce combat, pour soutenir leur rage de vaincre, avec Fun Radio, soyons tous mobilisés. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus prix appel. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Descend Dance Floor. 20h, 22h. Love in Fun. Sur Fun Radio. Et merci de passer le début de soirée avec nous sur Fun Radio. Je salue tous ceux qui sont connectés sur le site de Fun, funradio.fr, émission streaming hein, tous les soirs en direct, bien sûr sur Fun Radio, du dimanche au jeudi, avec dans un instant le chiffre d'Alice, le défi Fallait pas demander, FIFA 17 à gagner, et Richard Orlinski, Heartbeat sur Fun Radio. Rushing on a feeling, chasing fireflies. I wish I was less impulsive. But really, there's no reason why we live in fear of life. Even in the worst parts, there will always be a light. Where there's a heartbeat sound. Qui Eva Simon sur Fun Radio, Heartbeat. 01 42 48 5000. Love in Fun. 20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Radio. Tous ensemble, tous les soirs sur Fun Radio. Alors ce soir, au niveau du son, franchement, on va se régaler avec Sia, Kendrick Lamar, The Greatest. On écoutera aussi la nouvelle tuerie de David Guetta, Would I Lie to You. Il y aura aussi une nouvelle bombe à découvrir. Et ça, c'est vachement bien. C'est comment il s'appelle ce son, merde? Ça y est, j'ai oublié. Putain, je l'avais sur le bout de la langue. Oh, c'est lequel? Putain, Godefroy, aide-moi. Je t'en ai parlé tout à l'heure. Sean Frank? Voilà. Putain, Sean Frank, comment j'ai... Voilà, c'est ça. Let You Get Away. Nouvelle bombe à découvrir dans un instant sur Fun Radio. Vous restez bien avec nous. 01 42 48 5000, c'est le numéro de téléphone. Il y a beaucoup, beaucoup de messages ce soir. Beaucoup de messages qui saluent la présence de Katoche ce soir. Exactement. Dans l'émission, des petits messages sur Facebook, sur Twitter. C'est parti, Alice. On va commencer par un message de Kevin. Salut toute l'équipe. Je me posais une question. On est obligé de mettre une capote la première fois? Oui. Ah bah oui, vaut mieux. C'était un bon réflexe. Même je conseille aux garçons, avant d'avoir des rapports sexuels, de s'entraîner chez eux. Vacher est devenu papa, on l'a appris aujourd'hui, il n'avait pas mis de préservatif. Non, mais pas toute sa vie, bien évidemment. Ah bah oui, quand on est jeune, au début de sa vie sexuelle, il faut éviter. Tu mets encore des préservatifs, toi, Doc ? Non. Ok. Et un autre message de Gwen, je suis branchée sur le live vidéo et je vois Katoche pour la toute première fois. Vous êtes beaux les amoureux. Est-ce que vous pouvez vous faire un petit bisou en direct ? Ah oui. Oh putain ! Ah, il se fait pas prier, hein ! Oh, sans déconner ! Oh ah, mais c'est une galoche ! C'est une soupe de langue, le truc ! Sans déconner ! Bah ouais, on met la langue à notre âge. J'attends le prochain éditeur qui va demander si Katoche et Doc peuvent faire l'amour en direct. Ça va être plus dur. Parce qu'on n'est pas exhibe. Bien sûr, sans déconner. Pierre, t'es là ? Pierre, t'as 14 ans et t'es dans bonne. Salut Pierre. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super bien. Ouais, content de t'avoir au téléphone. Il y a Corentin, notre éditeur du soir. Ça va toujours, Corentin ? Toujours. Ouais. Ça va ? Et Corentin est super stressé. Hein. Ça s'entend, Corentin. Faut que tu te détendes, hein, mon pote. Tu joues aux jeux vidéo en même temps ou pas ? Non. Ah bon. Tu joues à quoi comme jeu, toi ? Plutôt Clash Royale ou sur la Play Black Ops. D'accord. D'accord, ok. Un petit peu de jeu sur mobile, un petit peu de jeu sur la console, quoi. Alors, tu vas peut-être pouvoir aider Pierre qui se pose une question. Vous avez le même âge, tous les deux. Hein. Je ne sais pas si c'est une question que tu t'es déjà posée. Pierre, c'est quoi la question, toi ? Moi, c'était comment ça se fait que les filles jouissent plusieurs fois et que les garçons jouissent qu'une fois. D'accord. Alors, c'est pas tout à fait vrai, ça. C'est pas tout à fait vrai, mais j'ai une explication. Les garçons, quand ils jouissent, ils éjaculent, et ça, ils peuvent pas tricher. Ils peuvent pas faire croire qu'ils en jouissent, ils éjaculent pas. Ça, c'est la première étape. Les filles, en parlant des orgasmes équivalents aux mecs, peut-être, de façon répétée, ça peut exister, mais le vrai orgasme, c'est celui qui, effectivement, amène après l'absence de désir. Ça retombe, après. C'est plus lent chez une fille, probablement plus lent que chez un garçon, mais c'est quasi équivalent. En revanche, une fille peut raconter... Alors qu'elle a beaucoup de plaisir, plein d'orgasmes. Les filles peuvent tricher. Alice, t'as déjà triché en disant que tu jouissais alors que non ? Non, parce que je suis pas du style. Enfin, je trouve ça un peu bizarre de dire on triche. Enfin, je veux dire, t'as du plaisir, donc tu le fais ressentir. Mais non, j'ai pas spécialement triché, non. Katoche, tu as déjà triché ? Tu as déjà triché, Katoche ? Non, je crois pas. Dernièrement ? Non, elle triche pas. Elle triche quand même. Elle triche pas. Non, quand j'aime, je triche pas, non. Parce que, figure-toi, Katoche, que Doc, c'était hier, nous a parlé d'orgasme. On va réécouter ce moment-là et on va te demander ce que tu en penses, d'accord ? Oui, d'accord. Réécoutons. C'était hier dans l'émission, écoutez ce que Doc a dit. Allez, brut. Bah, Romain, notre éditeur du soir, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bah, moi, j'avais surtout une question au Doc. Je voudrais savoir si t'arrives à faire des orgasmes à Katoche. C'est très personnel comme question. Mais la réponse est évidemment oui. Ma réponse est oui, bien sûr. Oh, mais il n'allait pas dire non, sans déconner. Non, mais bon, j'ai pas de preuve à donner, mais bon. D'accord. Le plaisir est au-delà de l'orgasme, en plus. Le plaisir est au-delà de l'orgasme. Alors, Katoche, un commentaire peut-être Ouais, bah écoute, tu veux savoir combien Ah bah ça serait génial si on pouvait savoir ça combien. Ça se compte en nombre d'orgasmes. J'ai un tableau Excel, tous les jours je mets 5 cette nuit, je dois faire mieux la nuit prochaine. Elle est incroyable. Ah putain, sans déconner. D'accord, donc tu te fais carrément noter, Doki. Hein ouais. Des appréciations. Au-delà, pour nous, voilà, tu fais aussi l'amour avec ton cœur et ton âme. Et donc, c'est pour ça que je dis au-delà de l'orgasme, du plaisir. D'accord. Non, mais parfois, il est un peu fatigué en rentrant à la radio quand même. Écoute, je lui laisse un petit temps d'attente. Je laisse reposer et puis après. Oh, c'est génial. Merci de te livrer comme ça. Merci. Ça faisait pas ça. Hein. Ça fait plaisir. Vous voyez, j'ai pas menti. Et c'est le début. La vidéo arrive bientôt sur funradio.fr. On s'en occupe. Pierre, tu vois, tu l'as ta réponse, mon pote. Il faut faire attention. Il y a des filles qui simulent aussi. Parfois, ça arrive. Le plaisir, homme-femme, c'est la même chose, Doc. Effectivement, d'ailleurs, le plaisir se déclenche au niveau du clitoris chez la fille, comme au niveau de la verge. Ça s'appelle les zones érogènes primaires, c'est le clitoris chez la fille. Peut-être le tiers inférieur du vagin, mais c'est comme la stimulation clitoridienne qui fonctionne. Donc, le vieil antagoniste vaginal clitorien n'existe plus. Je ne le crois pas, et même chose pour le garçon. Donc, c'est similaire, probablement similaire. Oui. Corentin, tu t'es déjà posé ce genre de questions, toi, ou pas, sur le plaisir des filles? Non, pas trop. Jamais ? Ça t'intéresse pas encore de faire l'amour à des filles ? Non, pas trop. Bah, tu vas voir, ça va vite changer. Hein. Tu vas lâcher ta manette, tu vas en toucher un autre joystick. Ouais. C'est moi qui te le dis. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une question chez les mecs. Est-ce que je les fais jouir? C'est vraiment. Bah oui, bien sûr. On a envie de faire plaisir à la personne. C'est plutôt positif, ça. Avec qui on est. Et puis, on a envie de savoir aussi, enfin, faut pas se mentir, si on est plutôt un bon coup ou pas, quoi. C'est ça. Le fameux alors, c'était comment? Non, mais parce que. Attends, Alice, il y a déjà des mecs qui t'ont fait ça? Alors oui, le alors, c'était comment? Bah écoute, ça va quoi. Le pire, c'est alors, heureuse? Bah t'es malade ou quoi? Mais ta gueule! Bah oui, je sais pas. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de mode d'emploi, on sait pas. Non, c'est une alchimie. Ouais, c'est ça. Donc, une chimie de corps, de âmes et de cœur. Donc c'est complexe, ça peut fonctionner, pas fonctionner, il faut se libérer, il ne faut pas être trop tendu. C'est vrai que les gens qui ont beaucoup de stress dans la vie peuvent être un peu bloqués, c'est normal, ou fatigués. Donc voilà, c'est pas mécanique, c'est pas une technique, c'est pas une performance non plus. Et justement, est-ce que la compatibilité sexuelle, ça existe ou pas? C'est-à-dire que bah, c'est comme papa dans maman, on s'emboîte. Moi, je vais te dire, la compatibilité, elle existe entre les êtres ou pas, au-delà du sexe. Voilà. Il y a des gens qui sont pas compatibles, des gens qui le sont plus, il y a des gens qui se retrouvent sur plusieurs terrains. Il faut qu'il y ait une harmonie qui se mette en place, bien sûr. Oui. On apprend plein de trucs ce soir. Pierre et Corentin. Corentin, tu restes avec nous et Pierre te fait. Ouais. Est-ce que je peux demander un truc à Doc? Vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Est-ce que ça serait possible, Doc, que tu m'invites à ton mariage? Ah. Bien sûr. Oui. Allez, encore un de plus. Bah, alors... C'est quoi, Doc? Oui. J'envoie mes coordonnées à Cindy et tu m'envoies les faire part. Quand ça se fera, et ouais, prochaine, pas de problème. Ouais. Non, mais. Et si... Je voudrais bien qu'on m'envoie un chocolat. Tu veux une mini-bite, quoi. Il veut une mini-bite, hein, un chocolat caramel et catoche. Pierre, en plus, si Doc il te le dit, c'est qu'il va vraiment t'inviter. Ah, ouais, pas de soucis, ne mange pas. Ouais, mais enfin, avec plaisir. Hein, tu pourras même. Je voudrais bien qu'il me paye l'avion. Quoi? Je voudrais bien qu'il me paye l'avion. Ok. Alors, tu payes l'avion. D'accord, voilà, Karel. Tu nous appelles quand t'achètes un nouveau téléphone. D'accord, Pierre. Salut, mon poteau. On sera avec Mickaël tout de suite. 26 ans de Rouen. Bonsoir, Mickaël. Bonsoir, Karel. Salut. Bonsoir, toute l'équipe. Bonsoir, Katoche. Ah, voilà. Salut. Salut. On la salue comme une animatrice maintenant. Ouais. Bon, bonsoir, Mickaël. Tu nous appelles pourquoi? En fait, je vous appelle pour avoir une idée pour organiser un week-end surprise. Un week-end surprise, carrément. Tu veux qu'on te trouve l'idée, mon pote? On a aucun détail. En fait, j'ai un détail, mais en fait, je sais pas comment lui dire certaines choses. D'accord. Pour lui faire le week-end surprise. Ok, donc c'est par rapport à une fille. Tu veux lui faire un week-end surprise. Si vous avez des idées, vous avez déjà créé un petit peu de surprise dans votre couple en imaginant un week-end. C'est l'appel à l'aide. On va t'aider, Mickaël. N'hésitez pas. 01 42 48 5000. On veut tous vos bons plans surprise. En attendant, c'est Boosty. Voici Popcorn sur Fun Radio. Love in Fun. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind, everything's alright. Se fédérer pour éviter de vivre le sentiment que vide est le sablier. Manier l'amour d'une certaine manière. Car au bout du compte, nous sommes des milliers. Je continue de penser que le bonheur est fait pour alléger les âmes, en avoir l'impression d'être sous. Faites-vous à l'idée qu'on est peut-être fou. En fait, faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world goes down. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. Veux-tu vivre dans un monde sans soleil? Nous c'est l'amour qu'on veut semer, le sentir fleurir sous nos semelles. Mais c'est hyper dur quand la haine perdure. Mieux vaut essayer alors qu'on sait que tout est perdu. Donc je me sers de l'idée qu'on est peut-être fou. En fait faut s'allier, s'aimer dans un effet de foule. Je ne capte pas les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques, je capte pas. Les gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Les gens pas aptes à s'adapter ne captent pas tout. Nous ne sommes que des calques. Fly like a bird, you know what about it. Stay with me, we rock the party. You're in my mind when my world. des gens pas aptes à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Boosty Popcorn sur Fun Radio. On a besoin de vous. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. L'appel à l'aide de Love in Fun sur Fun Radio. L'appel à l'aide tous les soirs dans Love in Fun sur Fun Radio. On prend voilà quelques minutes, le temps qu'il faut hein, pour vous ouais. aider. Et on, surtout, on fait appel à tous les auditeurs. Voilà, on est une vraie famille, une communauté. On réagit tous ensemble. Et on va aider Mickaël ce soir, 26 ans de Rouen. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Salut. Salut, salut. Mickaël. L'appel à l'aide avec toi, pourquoi t'as besoin d'aide? Alors en fait, je vous appelle parce que ma femme le sait pas. Je lui ai dit qu'on allait être invité chez des amis tout le week-end. Ouais. Quand, et en fait, quand, je lui quand, fais quand. C'est quand là, le week-end prochain, le week-end du 15. D'accord. Dans deux jours, quoi. Et en fait, la semaine prochaine. Non, comme... c'est dans une semaine. Non, c'est en fait. la semaine prochaine. Attends, Doc. Ok. Jours. Ok. C'est bon. Et en fait, je vais lui faire la surprise comme c'est nos 3 ans de mariage, de l'emmener un week-end en amoureux, totalement seul à deux en fait. Mais t'as pas d'idée. Donc voilà et donc du coup je sais pas comment lui faire la surprise qu'en fait on ne va pas chez eux mais en fait on va direction l'aéroport sans tu lui bandes les yeux mais dès le départ je sais pas il faut faire un truc un peu sympa. Tu peux lui bander les yeux, lui dire que finalement on va pas chez ses amis mais qu'il y a une surprise, et là tu lui bandes les yeux pendant tout le trajet quoi, et là elle se réveille elle voit je sais pas une île paradisiaque. T'as de l'argent? Ouais. Bah après le week-end, ouais, il coûte assez cher, mais ça vaut le coup, quoi. Mais t'as prévu d'aller où? Oui. À Rome. À Rome? Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Bon, bah, c'est pas mal, Rome. Donc, vendredi soir à lundi midi. Ah, c'est clair, ça, Rome. Ouais. Mais pourquoi tu l'emmènes pas à Venise? Je voulais à Venise, mais en fait, au niveau, c'est plus cher. Donc, je voulais réserver. En fait, je vais réserver à Venise vraiment pour un autre moment très spécial. D'accord. À Rome, tu vas où? Parce que vraiment... je vais au centre de Rome, c'est-à-dire on va faire tous les musées de d'Italie, faire un circuit, je sais pas trop, on va voir. J'espère qu'elle aime les musées parce que sinon oh, c'est chiant, c'est chiant ton week-end. Pas forcément musée, mais vous savez faire des visites, qu'on apprenne des choses. Et Mickaël, tu peux aller voir le pape de ma part. Mickaël, t'as 70 ans ou t'as 26 ans? Tu vas sérieusement l'emmener dans les musées? Non, je parle pas musée. Je dis voilà, faire des choses, resto, ouais, se promener, okay. Des choses en amoureux, voilà. Donc, Mais t'as réservé quoi comme hôtel, tu le sais? J'ai réservé un 4 étoiles, mais je ne me rappelle plus trop de nom. Non, t'as mis les petits... D'accord, bah, très bien. Bah, je sais pas, il faut aller choisir simplement. Ouais, moi, je serais assez d'accord. En fait, tu fais semblant de partir, puis en fait, tu dis, ben non, on va prendre l'avion. Tu ne vas pas lui bander les yeux, c'est invivable. Et voilà, c'est tout quoi. Et puis elle va voir qu'elle part à Rome. Mais on va demander. Surprise. On va demander au fil de cette émission. Elles sont plusieurs ce soir. Elles sont trois. Hein, on va commencer par Alice. Alice, toi, voilà, imagine ton mec te fait une surprise. Qu'est-ce qui te ferait kiffer, toi? J'aimerais bien finalement qu'il prépare déjà toutes mes affaires et qu'on parte quelque part, mais que je pense que c'est un truc hyper anodin, genre on va manger un petit truc et au final je me rends compte qu'on va à l'aéroport mais je ne sais pas où. D'accord. Là éventuellement il me bande les yeux jusqu'à ce que j'arrive à l'intérieur de l'avion et que j'entende dise bienvenue, vous allez direction Rome, enfin mais parce que là tu vas pas boucher les oreilles. C'est ça, parce qu'après c'est compliqué, mais je pense que ça peut être vachement sympa. Tu vois, Mickaël, ça c'est une bonne idée. Katoche, qu'est-ce que t'en penses, Katoche? J'aime bien la surprise, l'effet de surprise. Je il t'a fait la surprise quoi. Quand il t'a emmené à New York ou pas? Il y a quelqu'un qui est venu me chercher, je savais pas, je crois qu'il était pas là, et puis en fait, je l'ai retrouvé. T'as fait la surprise, quoi. Ouais, mais elle m'a fait une surprise, mais ça va pas vous emballer. Ah bon, t'as raconte. Fait quoi? Raconte. Un week-end sous la tente à Rambouillet. En pleine nature. Un week-end sous la tente à Rambouillet, t'as fait ça, toi? Ouais. Mais ça devait être j'ai sympa. Passé un moment fantastique. Bah ouais, c'est les week-ends insolites. Mais ouais, je lui dis, viens, on va faire les petits scouts. Et vous avez fait du feu? Oui, presque, oui. Bah Doc, il a dû faire du feu avec sa teub, mais. Pardon. Presque, qu'il a dit. Pardon. Oui, ça aussi, mais bon. Non, mais non, Doc! Oh, non. Sous une petite tente! Enfin, mais c'est ça en fait, c'est la surprise, c'est créer un peu de surprise. Tu vas atterrir à Rome dans un 4 étoiles, c'est pas mal quoi. Cindy, au standard, ton mec il t'a déjà fait un petit week-end comme ça? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Attention au micro. Ah, c'est le micro de Cindy, je crois. Ouais. Bah, change de micro, prends celui de Godefroy, tu vas voir. Il est magnifique ce micro. Et alors, est-ce que ton mec, il t'a déjà fait un petit week-end comme ça, un petit week-end surprise? Pas surprise, non, parce que ça fait pas assez longtemps. Mais en vrai, s'il devait me faire un truc surprise, d'ailleurs, s'il écoute, hein, écoute bien. Du coup, moi, ça me ferait kiffer qu'il me laisse un petit message le matin avant de partir, en mode, ouais, prépare tes valises et on va quelque part, je sais pas, prépare tes valises et on se barre. Ouais, c'est ça. Sans savoir où, en fait. Ah, tu vois, Mickaël, t'as déjà tout prévu. Vous allez à Rome, en Italie. Et bah, tu lui fais le coup de, voilà, de mettre un petit masque et tout. Tu prends l'avion où? Parce que je sais que les valises, du coup, on va déjà les préparer, puisqu'on va partir, elle le sait, puisqu'on est invité, c'est les amis qui nous invitent. Donc, D'accord. C'est quel aéroport? Orly ou... De Beauvais. Beauvais, d'accord. Bah écoute, elle va voir que tu prends pas la bonne direction, c'est bien. Exactement. C'est comme ça qu'il faut que tu la joues, Mickaël. Et puis surtout, te prends pas la tête, parce que elle sera déjà très heureuse de vivre ça avec toi. C'est ça. C'est ça le plus important. Mais Beauvais, tu la mets quand même pas dans le bus pour aller à Beauvais, si? Non. Ah oui, pas. Ah, il l'emmène. Bah oui. Enfin, en fait, on part pas à deux. En fait, je pars avec mes beaux-parents. En fait, ils nous emmènent. Et en fait, on laisse notre fille à mes beaux-parents et on part vraiment un week-end 3-4 jours en amoureux. Quoi. Exactement. Ah bah, elle va être ravie. T'inquiète pas. C'est ça. C'est le bon plan. C'est ça. C'est de partir. C'est de voyager justement. Fais gaffe au musée quand même. Oublie. Non, mais j'ai pas musée. Mais enfin voilà, je dis sortir en amoureux, balade, resto. Découverte un peu de l'Italie, enfin voilà, enfin après c'est pas après oui, je sais qu'elle aime bien quelques musées, mais on va je vais pas sinon, faire ça non plus, parce que moi ça va me fasciner, quoi. Je sais que ça va paraître un gars, mais va au Vatican voir la chapelle Sixtine, c'est quand même, ça vaut le coup quand même. Non mais c'est beau, hein, bien sûr. Ouais. Michel-Ange, c'est quand même quelque chose. Ouais. Après je vais faire tous les points. Tu vois ce que c'est la chapelle Sixtine, non? Tu vois ce que c'est la chapelle Sixtine, non? Oui, il y a pas de problème, je vois ce que c'est. Et ben voilà. Eh ben, et on t'envoie deux billets d'avion. Ça y est, c'est Doc qui paye, hein. Ouais, t'as ma carte bleue, hein. Non, je déconne. Bon. Mickaël, tu rack. On est là pour t'aider, mais on va pas non plus tout te payer, mon pote. Hein, je te le dis direct. Hein. Salut, Mickaël. Salut, toi. Et éclate-toi bien avec ta chérie, c'est ça le principal. Merci, y a pas de problème. Profite bien d'elle. Et Corentin est avec nous. Il a 23 ans de Paris. Bonsoir, Corentin. Yo, salut l'équipe. Ça va ou quoi? Ça va bien et toi, Corentin? T'appelles pourquoi? Ça va, la forme? Ouais, écoutez, moi je vous appelle pour un petit problème, en fait. Voilà, je vous explique vite fait. C'est-à-dire que quand je chope une fille, quand j'ai des relations avec elle, je sais pas pourquoi, mais je prends aucun plaisir à... Eh oui, parce que tu la chopes, mon pote, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On va en parler, on lui faire l'amour. Tu viens de tout dire, mon pote. Tu ressens pas de plaisir quand tu fais l'amour avec ta nana. Restez bien avec nous, on va écouter David Guetta, Would I Lie To You sur Fun Radio. David Guetta sur Fun Radio, Would I Lie To You. Jusqu'à 22h. Wow. In Fun Appelez Doc, Karel et Alice. 01 42 48 5000. C'est Love in Fun sur Fun Radio. On va accueillir Corentin au 01 42 48 5000, 23 ans de Paris. T'es là, Corentin? Yes, je suis là. Ça va quoi? Salut. Ça va bien, Corentin. Alors, tu ne ressens pas de plaisir, toi, c'est ça? Ouais, exactement. Raconte. Exactement. Bah écoute, je sais pas pourquoi, quand j'accroche une fille ou quand on s'entend bien et qu'on passe à l'acte, c'est-à-dire que quand on fait l'acte, il y a aucun plaisir qui me vient, quoi. Tu restes combien de temps avec elle? Pardon? Tu restes combien de temps avec elle? Ah bah écoute, après ça dépend des filles, mais non, généralement pas très longtemps. Je veux dire. Non, pas très longtemps. Voilà. Quand tu te masturbes? Mais écoute, quand je me passionne, ça me donne pas non plus de plaisir, pas de plaisir de plus, quoi. Même encore moins de plaisir. Ah ouais? T'as pas d'orgasme? Ouais. Non. T'as pas d'orgasme du tout? Aucun orgasme, non. D'accord. Dans la nuit, tu n'as pas de pollution nocturne? Pardon? Est-ce que t'éjacules dans ton sommeil, des fois? Genre, tu te réveilles et t'as le slibard le matin, oui, bien sûr, ça m'arrive. Est-ce que tu fais des rêves érotiques? Est-ce que tu fais des rêves érotiques quand tu as beaucoup de plaisir? Pas souvent. Mais ça t'arrive? Pas souvent, mais ça m'arrive, oui. Et quand tu fais un rêve érotique, d'accord, quand tu fais un rêve érotique, t'as du plaisir? Bah écoute, dans mon rêve, généralement, j'arrive pas jusque l'acte, en fait. D'accord. C'est le moment où je te réveille, juste avant de passer à l'acte. D'accord. Quoi. T'as commencé tes relations sexuelles à quel âge? Mes relations sexuelles, j'ai commencé ça à 17 ans. 17 ans, et c'était comment au début? C'était déjà ça? Ça a toujours été comme écoutez, ça? Écoutez, en fait, ma première relation sexuelle, si vous voulez, ça s'est passé avec une fille en soirée, donc voilà, on va dire que c'était pas l'amour fou, mais voilà, mais bon, ça s'est passé quand même. Ouais, voilà, je l'ai fait. T'es déjà tombé amoureux? Non, pas vraiment, j'ai jamais connu vraiment le grand amour. D'accord. Et tu le regrettes? Tu voudrais? Bah écoute, moi après je suis quelqu'un qui me prend pas la tête, donc on va dire que si ça tombe, ça tombe, mais sinon je vais pas me prendre la tête à chercher une fille. Très bien, en dehors de ce problème, est-ce que t'es heureux dans ta vie? Bien sûr, je suis heureux. Ta famille, oui, carrément. Et de l'amour avec ta famille très, et tout ça. Très très épanoui, bien sûr. Donc, écoute, là comme ça, j'ai pas de solution miracle, je sais pas très bien. T'as des érections souvent? Des érections, bah oui, ça m'arrive, bien sûr. Ok, est-ce que tu as envie du désir des filles? Et bien sûr, j'adore les filles. Non, mais je parle désiré sexuellement. Bien sûr, tout à fait. Okay. Moi, je sais pas, il y a forcément quelque chose qui bloque, qui t'empêche d'éprouver le plaisir. L'orgasme, il peut venir. C'est pour ça que je vous appelle, parce que je sais pas ce qui bloque, quoi. C'est autant, c'est la phase. Alors, la phase j'ai dit, il me reste 30 secondes. Il me reste 30 secondes et j'ai pas de baguette magique. Ah. Je pense qu'il faut une grosse, approfondir, bien sûr. Moi non plus, j'ai pas de baguette magique, justement. Mais il faut approfondir le sujet. C'est rare ce que tu racontes. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, je ne sais pas, mais en tout cas. Ce que je pense, c'est que ça mérite effectivement des entretiens, soit avec un thérapeute sexologue ou quelque chose comme ça, parce que t'as un blocage, voilà. On va revenir dans un instant, bien sûr, vous bougez pas, on aura le chiffre d'Alice. On va parler de rêves érotiques, Alice. Exactement, des rêves érotiques vraiment chelous qu'on fait parfois. On en parle dans 3 minutes sur Fun Radio, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000 et on revient avec Sound of Legend, Blue sur Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Hi, I'm Calvin Harris, and this is my song. At least I did it my way. The Weeknd et Daft Punk. WNW. Zach Noël et Sean Paul. Make the trumpets blow. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Moi, valeureux candidat. Moi, trouver job grâce à méthode ancestrale. Moi, faire signaux de fumée pour envoyer un CV. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche un job en mode Apache. T'es sérieux, là? Bah oui. Mais sors de ton Tipeee. Faut que tu télécharges Corner Job. Corner Job, c'est quoi? Une appli simple, efficace pour trouver un job dans la restauration, le commerce, les services et plein d'autres secteurs. Ah bah, je télécharge direct. Corner Job, téléchargez l'appli. Créez votre profil en une minute, postulez en un clic, recevez une réponse en 24 heures. Corner Job, vous commencez demain. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016.

20h, 22h, avec Doc, Karel et Alice. Attends, les amis, il se passe un truc là. Doc et Katoche ne sont plus en studio. Je crois qu'ils sont partis aux toilettes. Il l'a accompagné aux toilettes, mais on ne sait pas. Il l'a accompagné aux toilettes. Et qu'est-ce qu'ils font là? Bah, je sais pas. Ils n'ont pas pris les mini-bites déjà, c'est un bon signe. Non, mais Kassim, tu peux aller voir ce que font Doc et Katoche? Ouais, vous allez me suivre avec mon téléphone du coup. D'accord. On va te suivre avec ton téléphone. Je vais aller voir ce qu'ils sont en train de faire. D'accord, ok. Allez, c'est parti. On a Kassim. Dans le couloir. Ok, Kassim, t'es dans le couloir. Cherche Doc et Katoche. Alors, il y a Doc qui a le pantalon aux chevilles. Ah. Et il y a Katoche qui sort des toilettes et elle titube un peu. Oh. Je crois que... Ah. Et Doc a le sourire. Ah. Il a l'air détendu. Ah oui, donc ils ont fait leur petite affaire, c'est ça? Bah, là, je crois que... Remonte ton pantalon, Doc, quand même, parce que c'est un peu gênant, là. Bah, ça y est, il arrive, Doc. Ah, mais c'est vrai, il a le pantalon baissé, ça y est, il est en train de remettre sa ceinture. Ça va, Doc? Oui. Ah, mais tu sais qu'on fait une émission de radio tous les soirs, Doc. Je suis là. Ah, ça, c'est la fête du slip ce soir, hein. C'est le cas de le dire, j'ai l'impression. Ça va, Katoche, elle a l'air d'être très heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Rien du tout, bien sûr. On va accueillir Loïc sur Fun Radio. Cette soirée va partir en couille, je vous le dis. Loïc, ouais. 24 ans de Cergy-Pontoise est avec nous. Bonsoir Loïc. Salut Karel, salut Doc, salut Alice. Salut. Loïc, t'appelles pourquoi toi? Alors moi, c'est particulier. Je me suis mis en ménage avec ma copine, ça fait 4 mois. Et j'ai découvert qu'elle était vraiment crade. Ah, et c'est-à-dire que ça veut dire quoi, crade? Ça veut dire elle se lave pas ou c'est la maison qui est en bordel? On va pas dire 5 ans, mais la maison qui est sacrément en bordel, on va dire. Ouais, genre, tu peux ranger aussi. La vaisselle qui est sale, qu'elle a traîné, par exemple, la clé qui traîne partout. C'est pour ça que t'as emménagé avec elle, c'est pour qu'elle fasse le ménage. Faut que tu en fasses tout de suite, hein. Ah, c'est non, ça, Loïc. Elle travaille pas et moi je tape quand même 12 heures de charge par jour. D'accord, voilà. Donc en fait, elle est là pour faire un ménage. Mais elle veut pas faire le ménage. Tu veux pas qu'on l'appelle, là? Ah non, c'est bon. Pourquoi? Bah attends, si, on va lui parler. C'est ça Loïc en parce fait. Que là, visiblement, ça te pose un problème. Je sais pas, tu l'aimes vraiment? Bah quand même, ouais, sinon je serais pas avec elle, quoi. Non, bah, tu peux être déçu. Parce que toi en fait, tu travailles toute la journée, donc ce que t'attends d'elle, c'est que la maison soit nickel. Bah quand même, quand tu rentres, que c'est pas à moi de le faire, quoi. Parce que je rentre, je fais quand même, du coup, c'est moi qui fais à manger, c'est moi qui fais le ménage, c'est moi qui range tout, quoi. D'accord. Ok. Moi je pense qu'il faut l'appeler pour lui dire. Pourquoi tu veux pas qu'on l'appelle, Loïc? Comme vous voulez, je sais pas, après c'est pas moi. Hein. Peut-être pour voir avec elle, attends, justement, comment... Pas, parce que elle a pas de boulot, c'est ça? C'est ça. Et est-ce que tu te dis pas que peut-être qu'elle est malheureuse, qu'elle n'ait pas de travail, donc forcément, si elle est un petit peu malheureuse, elle va être pas forcément motivée non plus pour faire les tâches ménagères qui sont quand même pas un des trucs les plus fun du monde, quoi, tu vois. Qu'est-ce qu'elle fait dans la journée? Parce que justement, ça c'est une bonne question. Ah bah, ça j'en sais rien, du coup je suis pas là. Moi, attends, pas, tu lui parles jamais le soir quand tu rentres? Bah, c'est limite, elle dort. Ah oui. Ouais, ça a pas l'air d'aller bien, tous les deux. Hein, bon, écoute, Loïc, je sais pas, là, je pense qu'il y a un vrai problème. C'est comme tu veux, hein, on n'est pas obligé, mais je pense que l'appeler serait pas mal. On va voir ce qu'il va pas. Ouais, vas-y, bah, c'est bon. Elle répond pas, ils viennent d'essayer d'appeler. Ouais. Non, mais Loïc, je pense que c'est un problème plus profond, là. Si, effectivement, elle ne fait pas le ménage, qu'elle dort, qu'elle est pas bien, soit elle est pas heureuse, soit elle a un problème personnel. Enfin, bref, il y a quelque chose. Mais ce qui m'étonne, c'est que tu ne lui parles pas. Ah mais quand tu veux essayer de lui parler, elle monte sur ses chevaux, c'est ça le problème. Non, ok. Si tu fais, alors attends, un petit conseil Loïc. Et mettons qu'elle soit pas très à l'aise, qu'elle soit très heureuse dans la vie. Si tu rentres dans la conversation en lui faisant des reproches, c'est sûr qu'elle se défend. C'est pas comme ça qu'il faut aborder la chose. Tu comprends? Parce que je te vois très bien rentrer. Le ménage est pas fait. Enfin, tu dois faire des réflexions forcément. Comme tous les mecs. Ah bah ça c'est sûr, je vais pas chez moi. Bah comment veux-tu qu'elle ne peut que se défendre? Parce qu'elle a l'impression que voilà. Alors que peut-être, si elle est comme ça, c'est soit elle est pas très heureuse, soit elle veut autre chose dans la vie, soit je sais pas, elle a pas de bonheur. Enfin bref, il faut lui parler. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si vous continuez comme ça, ça va pas durer votre histoire. Non. Tu vois? Ah bah ouais. Tu comprends Loïc, mais t'as l'air vachement détaché. C'est-à-dire que tu nous demandes le truc, et en même temps on te dit des choses et tu réagis pas trop en fait. Bah après c'est pas si réagir je veux bien mais bon après voilà c'est quand t'as l'air saoulé, t'as l'air vachement saoulé ouais, en fait. Ça saoule à force ça saoule tu vois tu rentres ouais. Te mettre à la place aussi tu rentres mais... c'est le bordel de partout tu tapes 12 heures de travail t'es exposé, d'accord Loïc je comprends ton problème cela dit t'as une fille qui est à la maison et qui est pas très à l'aise dans ses baskets visiblement si t'arrives elle dort si elle a rien fait de la journée et si effectivement elle laisse la maison comme ça elle range pas un petit peu C'est pas, voilà, c'est pas forcément son caractère de départ, mais c'est là où elle est arrivée. Est-ce que tu la sens déprimée un petit peu, ta copine, se laisser un peu aller, tu vois, comme elle travaille pas, j'imagine qu'elle fait pas non plus d'efforts de fringue, puisqu'elle va pas trop sortir, tu vois. C'est un tout, quoi. Bah, après, ouais, ça, j'avoue que qu'elle a beaucoup de laisser aller quand même. Tu t'occupes d'elle, je veux dire, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait Ah ouais, quand même, après, moi, franchement, c'est moi, je lui fais à manger et tout, c'est pas mais, un truc. Ouais, sûr, mais est-ce que vous faites des trucs ensemble, vous sortez, vous. Bah, entre le resto, le bowling, ouais, c'est sûr qu'on sort, tu vois. D'accord. D'accord. Il faut lui parler. Moi, je veux bien lui parler si tu veux, si on l'appelle, mais visiblement, elle ne répond pas. Donc, non. Je ne sais pas. Elle a quel âge ? Elle a 21. Okay. Quel est son métier ? Elle ne travaille pas. Non. Elle n'a pas appris de métier dans sa vie. Elle ne sait rien faire. Pardon ? Vendeur ? Oui, mais c'est un métier. Oui, oui, quand même, oui. C'est un métier qui est. D'abord, lui, si elle veut retravailler. Et est-ce qu'elle fait des démarches justement pour trouver du travail? Est-ce que tu peux peut-être aussi l'aider? Je sais qu'elle se lève en même temps que moi, donc après je pense qu'elle va faire des démarches et tout. Après moi j'ai déjà fait des CV, les conneries comme ça. Non mais je pense qu'il faut vraiment que tu t'intéresses à sa vie et que tu arrêtes les reproches. C'est le seul conseil que je vais donner. Arrête de la prendre de front. Voilà, elle est là. Ouais, non. Par contre, on a Vanina qui veut réagir. Ouais, bien sûr, vas-y. Il y a pas mal de réactions. Hein. Je pense que c'est pas du tout un sujet anodin et ça se passe pas mal comme ça dans beaucoup de couples. Bonsoir Vanina. Bonsoir. Vanina, salut. 22 Bonsoir ans de Nantes. Oh Vanina, oui. J'adore ce prénom. Non mais c'est vrai. C'est gentil. Bah, j'aime beaucoup Vanina. Et tu as entendu Loïc à l'antenne. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah moi j'ai déjà vécu la même situation. C'est-à-dire ça fait deux ans que j'habite avec mon copain et j'ai réussi à trouver du travail il y a maintenant 4 mois. Donc avant, j'étais en recherche d'emploi et lui, il travaillait également. Ouais. Je suis quelqu'un de nature assez bordélique et lui, un peu moins. Et c'est vrai que moi, on en fait, moi, on a envie d'en faire, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Après, c'est le bordel. Un coup de déprime. Ouais. Depuis que j'ai repris le travail, c'est les tâches, c'est 50-50, on travaille tous les deux. Ouais. Donc voilà, on estime qu'on se répartit les tâches et ça se passe beaucoup mieux. Mais bon, quand j'avais pas de travail, le matin, je me levais assez tôt, je regardais mes séries. Et puis bon, après, on n'a pas envie de... moi, on a envie d'en faire, quoi. Donc clairement, des fois, ça posait aussi des soucis. Parce que quand monsieur rentre, il s'est tapé sa journée de travail et puis il aimerait bien rentrer dans une maison plus ou moins rangée. Et lui il n'a pas forcément envie de parler parce qu'il a parlé toute la journée. Toi tu as beaucoup envie de parler. Nous on a envie de profiter, de raconter, de poser des questions. Il y a des décalages terribles. Ouais. Ah, c'est ça. Et lui il a juste envie de se poser devant sa console et d'être tranquille. C'est fragile l'équilibre d'un couple, c'est exact, je suis tout à fait d'accord. Et ça fait partie du décalage. Loïc, toi tu fais le constat mais tu ne t'intéresses pas à ta copine en profondeur. D'accord, si je lui trouve un truc ou un travail, tu sais que tu peux lui parler. Hein. Il faut s'encourager l'un et l'autre, quoi. Vous êtes un couple, vous êtes une équipe. Si tu lui dis que tu l'aimes, mais faut pas pour autant tout accepter, que tu penses qu'elle a un problème et que tu comprends, mais toi tu fais des reproches frontaux, ça va pas. De faire des concessions. Pas des concessions, mais c'est le constat. Si elle est comme ça, c'est qu'elle est pas très à l'aise, peut-être qu'elle a pas de boulot. Et si en revanche tu lui dis t'as pas fait la vaisselle, t'as pas rangé, t'as pas fait ceci, t'as pas fait cela, c'est sûr que ça va l'énerver. Aurore aussi veut réagir, 23 ans de foi. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Salut. Est-ce que t'as vécu la même situation toi aussi? Tu t'es peut-être comme la copine de Loïc, je sais pas. Non, moi ça a été un petit peu le même cas en fait. J'ai emménagé avec mon copain il y a 3 ans. Ouais. Et on a changé de région encore en plus. Donc du coup, je suis arrivée en Ariège et je connaissais personne. Ouais. J'ai pas trouvé du travail aussitôt. Et du coup, c'est pareil, je me suis laissée aller un petit peu. Ouais. Et là, de suite après, j'ai retrouvé du travail. Et du coup, voilà, après, c'est vrai que je m'y suis remise un petit peu, mais d'être ça passe... seule comme ça et... C'est pas évident, quoi. C'est exactement ça, Loïc. Hein. Faut que tu comprennes que ça passe par son bonheur à elle. Son bonheur à elle, à mon avis, c'est de travailler, c'est d'avoir un boulot aussi, tu vois. C'est pas de ranger tes slips sales tous les soirs, quoi, tu vois. C'est t'intéresser à elle pour ce qu'elle est et pas pour ce qu'elle fait. Voilà. Elle a besoin que quelqu'un pose un regard d'amour sur elle. C'est-à-dire, non pas de jugement, mais tu montres que tu aimes. Ça ne veut pas dire que tu prends acte de tout et que tu acceptes tout. C'est autre chose, ça. D'accord ? Et on ne dit pas non plus que c'est facile, hein, Loïc. Non, hein. Non. C'est un équilibre, quoi, comme tu dis, Doc. Hein. C'est ça. Ouais, hein, ouais, ça. Ouais. Il va falloir travailler pour la soutenir et l'aider, surtout. Quoi. Et pas lâcher le truc, parce que sinon, après, dans 2 mois, vous n'êtes plus ensemble. Quoi. Il faut s'accrocher. Hein. D'accord. Ok, Loïc. Bon courage, Loïc. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'ai une question avant. Vas-y. Katoche, elle fait le ménage, le ménage chez toi, Karel? Karel Doc? Non, elle fait pas le ménage chez Karel. Non, c'est pas pareil. En fait, d'habitude, quand on se voit avec Katoche, c'est dans un hôtel et elle est soubrette. Ouais, j'ai le petit tablier, le petit plumeau, tout ça. Et t'oublies pas le petit plumeau aussi. Le petit plumeau rose, rose fluo. Les détails. Ah voilà. Je vous enverrai la photo. Ah, je prends note. Petit tablier, le petit. Ça se passe comme ça, Loïc. Bien sûr. Y a pas de souci. On te fait une grosse bise, mon Loïc. Carrément. Salut. Je suis quand même étonné que t'en parles comme ça ouvertement devant Doc. Ça me fait plaisir, Katoche. Ça me fait plaisir. Elle d'ailleurs, assume. Si j'adore vous voulez voir, le ménage. Si vous voulez voir la vidéo de Doc et Katoche qui se roulent grosses qui galoches. Qui s'emballent. Vénère avec du bout de langue et on tout. On est tous les deux généreux. Sur le Facebook, on vous a mis la vidéo. Allez mater ça. Et puis dans un instant, on va se faire le défi Fallait pas demander avec Charles, 23 ans de Nantes, qui va tout simplement poser une question à sa copine mariée, qui va lui demander: est-ce que tu crois que j'ai mes chances avec ta maman? Ah ouais, ça va partir en couille, le défi Fallait pas demander dans 3 minutes. Mais juste avant, Sound of Legend et Blue sur Fun Radio. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Bonne soirée à tous. Legend Blue sur Fun Radio. T'as une question que tu n'oserais jamais poser? Non mais c'est quoi cette question à deux balles? Fallait pas demander. Dans Love in Fun. C'est Love in Fun et c'est le défi Fallait pas demander. On le fait tous les soirs à 21h. Il suffit de poser une question, ça énerve la personne que vous appelez et vous gagnez le jeu FIFA 17 là toute la semaine. C'est ce que va tenter de faire Charles, 23 ans de Nantes, pour le défi. Bonsoir Charles. Salut toute l'équipe. Salut Charles. Fallait pas demander avec toi. Tu vas appeler qui toi? Alors, j'ai appelé ma copine, en fait, parce que je suis en kiff sur sa mère. Attends. On dirait vraiment que t'es en kiff sur sa mère, là. Ouais. Hein? C'est-à-dire que tu vas lui poser quoi comme question, en fait? Mais est-ce que tu crois que j'ai mes chances avec ta mère, déjà? D'accord, ok. Le mec part avec... Il cherche la merde. Ah ouais, carrément. Tu crois que j'ai mes chances avec ta maman? Eh bien, c'est parti. Charles va appeler sa copine pour lui demander s'il y a moyen de faire des choses avec... Belle maman. On y va, on appelle Charles. Allô? Allô bébé? Oui. Oui, ça va? Ça va et toi? Ça va. Excuse-moi, je te dérange pas là au moins? Non, pas du tout. Mais pourquoi tu m'appelles en inconnu? Ben en fait, j'ai plus de batterie. Du coup, j'ai dû emprunter le téléphone d'un pote. Et il fallait que je te parle, c'est très important. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai mes chances avec ta mère? Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? C'est une blague? Eh ouais. Non, c'est pas une blague, je te jure. Franchement, je suis mal à l'aise quand je t'en parle. Mais voilà, je pense que ta mère me fait du rentre dedans en fait. Et ma mère commence à avoir une attirance. Dedans, mais t'es fou quoi. Mais après voilà, ce que je voulais te dire aussi, c'est qu'elle m'avait envoyé des photos d'elle, tu vois. Des photos comment? Ouais, des photos d'elle en sous-vêtements. Mais c'est une grosse blague là que vous me faites. Non, du tout. Mais voilà, moi je suis mal à l'aise du coup, tu vois, parce que bah, t'es sa fille, voilà, je suis ton copain, et c'est quand même ma belle-mère, tu vois. Mais attends, mais vous êtes tarés ou quoi? Vous êtes tous donné le mot. C'est quoi son délire à elle? C'est quoi ton délire à toi, là? Non, mais bébé, réagis pas comme ça, tu vois. Mais moi, ta mère, en fait, elle m'excite. Quoi? Mais t'es Mexique. Malade ou quoi? Mais tu crois que tu vas faire de l'effet avec ce que t'as ou quoi? Mais t'es complètement starbé, mon pauvre. Oh, tu parles de ma mère, là. Mais je sais que je parle de ta mère et c'est ma belle-mère également. Mais tu vois, je peux pas m'empêcher de me branler en pensant à elle, tu vois. Quoi? Mais t'es sérieux là? Mais il n'y a pas de délire chérie, mais tu vois, toi tu parles souvent avec ta mère, donc tu pourrais me dire si elle suce bien ou pas? Oh mais franchement, vous bébé... rendez folle là, mais je sais pas ce qui t'arrive, je sais pas ce qui lui arrive à elle non plus, mais je vous jure que ça va pas se terminer comme ça. Vous êtes vous êtes défoncé ou quoi là? Bébé, je t'avoue, allez avec moi. C'est un truc de malade, mais vous êtes complètement... Oh là là là là là là, mais je suis choquée. Je suis complètement choquée. Tu sais que ta mère est en train de me toucher le sexe, elle est super chaude. Oh, en fait, je pense que tu ne réalises pas ce que tu es en train de me dire. Et je comprends pas, ça fait je sais pas combien de temps qu'on est ensemble, pourquoi tu m'as pas dit ça avant? Actuellement, ta mère, elle est en train de me sucer, bébé, là. Non, mais attends, mais c'est quoi ces bruits, là, derrière? Mais c'est ta mère, en fait. Mais vous êtes pas sérieux, là. Vous mais êtes pas réel. Mais t'as pas sucé pendant des mois, donc ta mère, elle a pris le relais, tu vois. Et toi, t'es en train de me dire ça que maintenant? Et je t'appelle, je suis honnête avec toi, tu vois. Mais t'es honnête au bout de combien de temps? Ben, ça fait 3 ans que mon cœur qu'on est ensemble. C'est bien ça le problème, c'est que ça fait 3 ans. C'est que ça fait 3 ans, et pendant ces 3 ans, en fait, il n'y a rien qui s'est fait. C'est maintenant que tu me dis ça. T'es sorti une fleur, en fait. Bébé, je crois que ta mère, elle veut te parler, là. Passe-la, moi. Allô? Oui, ma chérie. Oh, c'est quoi votre délire, là? Et tu m'expliques? T'es où là? Tu fais quoi là? Marie, c'est ta maman. C'est une grosse blague. J'ai une larynxite. Non mais c'est une blague. Je sais pas avec qui t'es, mais c'est pas ma mère. Enfin, je comprends pas là. Si, c'est moi, chérie. Non, mais c'est pas toi. Non, t'es pas ma mère, toi. Ah bon? Ah oui, je connais très très bien ma mère et c'est pas ma mère. Passe-moi Charles. Tu as raison, je ne suis pas ta maman puisque je m'appelle Karel. Et tu es en direct sur Fun Radio. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Eh oui Marie, tu viens de te faire piéger pour le défi, fallait pas demander. Charles, mais t'as été incroyable. Merci. C'est quoi cette blague? Alors, je vais t'expliquer. Bah, Charles, tu veux lui expliquer? Ouais, vas-y. Bon, Vas-y. Bébé, voilà, je n'ai pas d'attirance pour ta mère, elle n'est pas en train de me sucer la bite et je t'aime, voilà. Je vais l'expliquer. C'est la pire explication du monde. Je vais l'expliquer différemment. En fait, Charles a participé à un défi. C'est le défi Fallait pas demander tous les soirs dans la Vin Fun sur Fun Radio. Pour gagner son jeu FIFA 17, il devait te poser une question qui devait t'énerver. Et la question. Mais c'est une grosse blague. C'est une grosse blague. Charles, il t'aime très fort. Par contre, Charles, on se pose quand même quelques soucis sur la taille de ton sexe. Hein. Après tout ce qu'a pu nous dire Marie. Non, t'inquiète pas pour ça. Okay. Temps, elle était très énervée, c'est pour ça. Ah bah oui. Marie, ça va mieux? Non, mais ça va, mais c'est bon, c'est la première et dernière fois que tu me fais le coup. Parce que là, c'est bon. Pas ma mère. Une histoire de dingue. Bien sûr. Charles, tu n'as aucun sentiment pour la maman de Marie, bien sûr. Je me ferai pardonner. T'as bien intérêt. Hein. Ça se termine bien, on aime ça. Marie, Charles, vous revenez quand vous voulez. Et surtout, Charles, on t'envoie le jeu FIFA 17. Bravo, Charles. Merci toute l'équipe. Salut Charles, salut Marie. Salut. Salut, bonne salut, soirée. Ciao. Fallait pas demander. Fallait pas demander. Dans Levin Fun. Et restez bien avec nous, puisque dans un instant, il y aura le chiffre d'Alice. On parle de quoi ce soir dans ton chiffre ? Certaines personnes ont déjà rêvé qu'elles faisaient l'amour avec une personne sans visage. Donc on s'est un peu posé la question, quels sont vos rêves érotiques les plus bizarres ? Putain, mais c'est vrai ça. Ouais. Elle a pas de visage. Non. Tu te dis, je n'arrive plus à me souvenir de à quoi elle ressemblait. Voilà. Et c'est l'un des rêves récurrents. Ah ouais. Parmi tant d'autres. On fait l'amour au sans visage. Et voilà. 01 42 48 5000, balancez-nous là maintenant vos rêves érotiques les plus chelous. D'ailleurs, pour toutes les réactions, on offrira des sextoys Lelo. Hein, donc n'hésitez pas, 01 42 48 5000. En plus, c'est le dernier soir pour vous, hein, si on les repartira avec. C'est le moment. Et on va écouter Sia dans 3 minutes. Sia, The Greatest sur Fun Radio. Clairement l'un des sons que je kiffe le plus en ce moment, la superstar mondiale Sia. Tout de suite tout le monde. Suivez-nous sur Facebook, la page Levin Fun. Du bruit pour Cavadam. Ouais. Avec Geneviève, j'incite avec Brahim. Tout le monde à venir dans votre émission, franchement. Merci, t'es un c'est peu. C'est frais, c'est bien, bon délire. Il est tellement sympa, ce Kev, on l'embrasse, on l'adore. Mais du coup, il a incité tout le monde à venir. Ce soir, dans le Night Show, on va recevoir Tal en plus. Oh, c'est une femme, elle sent bon. Marion et Anso, 22h minuit. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonjour, c'est Bruno Guillon. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont la rage de vaincre les maladies, les infections, les épidémies. Cette année, 14 radios se mobilisent à leur côté. Avec RTL, RTL2 et Fun Radio, soutenons leur combat. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. 3620, service gratuit plus préappel. Et si on profitait encore plus du réseau mobile numéro 1 ? Moi, chez Orange, j'ai un forfait mobile Play à 14,99€ pendant 12 mois, puis 24,99€. Et moi, chez Orange, j'ai 20 gigas avec mon forfait. Moi, chez Orange, je profite des 20 gigas sur le réseau mobile numéro 1. Pour une fois que t'es premier quelque part. Avec Orange, profitez de 20 gigas à petit prix sur le réseau mobile numéro 1. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Tarif réservé aux clients open jusqu'au 16 novembre en métropole avec portabilité du numéro et engagement 12 mois. Conditions et coupons de remboursement sur orange.fr, réseau numéro 1 selon l'enquête Arcep de juillet 2016. Fun Radio présente I Love Techno Europe, samedi 10 décembre, au Parc des Expos de Montpellier. I Love Techno. Retrouvez sur scène Laurent Garnier, Masséoplex, Vitalik, Ben Clock, B2B, Marcel Detman et bien d'autres. Infos et réservations, point de vente habituel. ilovetechnoeurope.com et funradio.fr. I Love Techno. I Love Techno Europe avec Fun Radio. Le son dance floor. Tous les soirs. 20h, 22h. Du sexe, de l'amour et du fun. C'est Love in Fun. Sur Fun Radio. Running out of breath, but I got stamina. Running out, I close my eyes, but I got stamina. And I see another mountain to climb, but I got stamina. I need another lover in mine, cause I got stamina. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. Don't give up, I won't give up. Don't give up, no, no, no. I'm free to be the greatest, I'm a liar. I'm free to be the greatest here tonight. The greatest, the greatest, the greatest, I love you. The greatest, the greatest, I love you. Oh, running out of breath, but I got stamina. I'm free to the mother falling, I'm the youth. Ay, I am the greatest, ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands on with effort. I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you, and the critics will test you. But the stronger survive, another scar may bless you. I don't give up, nah, no. Won't give up, nah, no. Don't give up, no, no, no, nah. Don't give up, I won't give up. Sia, The Greatest sur Fun Radio. Avec la sécurité routière, suivez les aventures d'Alice qui passe son permis dans Love and Fun sur Fun Radio. Ah, les aventures d'Alice et son permis de conduire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça a été une journée très dure pour Alice. Oui. Oui, parce qu'il s'est passé quelque chose. On a ton moniteur d'auto-école qui est avec nous. Je rappelle Alice depuis quelques mois maintenant. Voilà, après avoir eu son code, va passer son permis de conduire. Elle est en conduite supervisée là en Exactement. Ce moment. Ça dure 3 mois. Hein. Ouais, 3 mois la conduite supervisée. Trois mois la conduite supervisée. Et Maddy, son moniteur d'auto-école, est avec nous pour suivre les progrès d'Alice. Maddy, bonsoir. Bonsoir à tous. Salut Maddy. Salut Maddy. Tu as passé ta journée avec Alice. Enfin, pas ta journée. quelques heures de conduite avec Alice aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Aujourd'hui, ouais, c'était une journée un peu spéciale, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé comme catastrophe? Eh ben, figure-toi qu'on était en train de rouler tranquillement et malheureusement, ben, on a dû, à mon avis, je pense, rouler sur quelque chose d'assez pointu ou d'assez tranchant. Alice a crevé une roue. Ah, bravo Alice, bravo. Non, c'est pas moi, c'est l'objet tranchant et pointu. Qu'est-ce qui a fait le coup de la panne? Ah oui, c'est pas mal, ça m'a dit, le coup de la panne. Ah non, c'est totalement improvisé là. Alors, est-ce que du coup, Alice a changé la roue? Oui, tout à fait. Oui. Tu l'as regardé faire? Tu l'as pas fait? Je l'ai un petit peu aidé quand même. Non, D'accord, comment est-ce qu'on fait pour changer une roue? Parce que toi, tu sais pas, t'as jamais changé de roue. Ah bah, bien sûr que non, c'est pas comme si je roulais plus de 100 000 km par an et que. Non, bien sûr, ça m'est jamais arrivé. Tout le temps. Non, moi, généralement, je me prends des sangliers, moi, en rentrant chez moi. m'a dit, comment ça s'est passé? Eh ben alors, on était en train de rouler tranquillement sur la voie, et puis d'un seul coup, on entendait un petit bruit bizarre, et puis la voiture a commencé à pencher d'un côté. Et donc, j'ai demandé à Alice de se mettre un petit peu sur le bas-côté, histoire qu'elle ne gêne pas, bien sûr. Donc, de préférence, hein, si possible, donc se retrouver immobilisé en dehors de la voie de circulation, pour pas gêner. Et après, il faut mettre le gilet dégueulasse, là. C'est le gilet jaune. Ah, parce qu'il est exactement. Non, moi, j'aime bien. Le gilet et le triangle, pas oublier le ah, triangle. Ah oui, le triangle minimum. C'est ça, qui est obligatoire dans les véhicules maintenant. C'est ça. D'accord. Donc, gilet triangle, tout à fait. Et alors, elle s'est bien débardée? Oui, j'ai une excellente assistante. Elle s'est bien débrouillée. D'accord. Elle maîtrise le pneu comme personne. Hein. C'était où cette panne? C'était pas très très loin donc du bois de Boulogne. Ah oui, d'accord, je comprends mieux. Bien sûr, Maddy, on a compris ta technique, hein, espèce de salopard. Hein. Non mais t'as raison. Écoute, bon courage Maddy, dans la suite des aventures, parce que on n'est pas à l'abri d'un accident bientôt. Hein. J'espère sans gravité. Je suis très prudente. Hein. Elle progresse Maddy quand même, tu peux nous dire ou pas? Ah oui, non, elle progresse très très bien rapidement. D'ailleurs, donc on a prévu qu'elle parte un petit peu en supervisée, ce qui n'empêche qu'elle peut aussi prendre des leçons en parallèle. Ah non, elle progresse très très bien, Alice. Merci, Maddy. Eh ben, je te remercie beaucoup, Maddy. Merci à vous. Salut, bonne soeur à toi. Salut, bonne soeur. Ça fait plaisir. Hein. Je pense que tu l'auras d'ici 2018. encore, t'es vachement gentil. C'est ça, t'imagines 5 ans plus tard. Et le point sur le permis d'Alice. Je dois repasser le code. Alice qui a encore une nouvelle fois raté son permis. On a Laura qui est avec nous. Bonsoir Laura. Salut Doc, salut Alice, salut Karel. Salut Laura, t'as 17 ans et t'es à Tours toi. Ouais. T'es en train de passer ton permis de conduire ou pas? Non. Hein, pas encore. Pour l'instant, tu t'emmerdes pas avec ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu profites, tu fais du vélo. Non plus, mais. Du jogging. Non plus. Bon, tu utilises tes parents, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord, mais c'est pas mal aussi. Hein. Laura, tu nous appelles pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, avec mon copain, enfin, je prends la pilule comme moyen de contraception, sauf que des fois, j'oublie de la prendre, et bah, je me suis déjà fait des frayeurs. Ah oui. Et du coup, il y a une copine à moi qui m'a conseillé de le stériler, sauf que j'ai peur que ça fasse mal, que donc je voulais avoir un peu de conseils pour... C'est quoi le stérilet, Doc ? C'est un dispositif intra-utérin, ça s'appelle DIU. C'est quelque chose que l'on te met, alors tu peux regarder des photos. Attends, je vais regarder stérilet. Que l'on met dans l'utérus. Je connaissais le stéradan, moi. Et qui peut être d'ailleurs imprégné d'hormones et qui va empêcher la nidation, c'est-à-dire le fait que... Mais c'est énorme d'avoir ça dans son vagin, quand même. Non, dans l'utérus, pas dans le vagin. Ah, comment on le met ? Ah bah, oui, c'est une sage-femme ou un médecin qui l'introduit, on met un spéculum et puis on l'introduit dans l'utérus. Et c'est quand même assez balèze, il n'y a pas de risque qu'il se frotte au pénis ? Si, tu as des petites aspérités, tu peux te cogner dedans. Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Donc c'est pas sans risque pour le pénis de son partenaire. Non, voilà. Ah non, on peut pas se cogner dedans. Qu'est-ce que je suis naïf, sans déconner. Moi j'y croyais et tout. Voilà, fait, ça empêche la nidation. Ça empêche que l'œuf fécondé peut se féconder. Ça peut aussi empêcher la fécondation. Voilà, en tout cas, c'est un moyen de contraception qui n'est pas le plus fiable. Hein, parce que quand même, des grossesses sous stérilet, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Mais pourquoi tu fais pas le truc là sous la peau là, L'implant contraceptif. Bah parce que, je sais pas, j'ai peur en fait, c'est pour ça que je voulais des conseils. Alors, lorsque les oublie, c'est très fréquent, trop fréquent, 20% peut-être même plus, évidemment source de grossesse, évidemment. Donc l'implant, c'est la mini-pilule, on met ça, c'est un petit bâtonnet qu'on te met sous la peau. Ouais. Et qui dure 2 à 3 ans. Alors il y a parfois des petits problèmes, des spotting, des petits saignements, mais en général ça se régule dans les premiers mois. Et ça, voilà, c'est excellent parce qu'effectivement, c'est très efficace. Alice, c'est quoi ton moyen de contraception, toi ? C'est la pilule, mais sinon, j'ai testé aussi l'anneau contraceptif. Et c'est quoi ça ? C'est moins fiable. Bah, en fait, c'est tout simplement un anneau que tu glisses à l'intérieur et que tu. Qui, en fait, ça dure pendant 3 semaines. Donc ça et c'est comme dans Sonic, qu'on doit mettre son sexe et passer dans les anneaux ? Non, parce qu'il paraît que ça fait un peu mal, justement, quand tu fais l'amour avec quelqu'un, parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir un partenaire qui le sentait et qui, après, ça brûlait, quoi. Ah, bah oui, d'accord. Voilà, en tout cas, oui. Cassim, tu veux dire un truc ? Oui, moi j'ai un moyen de contraception, c'est pas l'anneau, c'est l'anus. Comme ça. C'est vrai, c'est. Cassim ! Ah bah ça fonctionne ! Ah bah oui ! Non, mais c'est pas de problème. Alors, par contre, Laura, il va falloir ouvrir la porte des artistes. Hein, non, mais va voir soit un médecin, soit une sage-femme, mais l'implant me paraît être une bonne alternative. Plutôt que le stérilet, tu vois ? Oui, okay. Bon, on peut le faire chez une fille qu'on dit nulle lipare, qui n'a jamais eu une grossesse, mais voilà, les stérilets qui sont plus petits. Ok, ça marche. Voilà, bon, ok, Laura. D'accord, et merci pour vos conseils. On te souhaite un bon implant contraceptif. Oui, parce que sinon, on fait le baptême l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Bah oui, parce que sinon, il va finir par arriver. Hein. On te fait des gros bisous, ma Laura. Gros bisous, merci. Salut. À vous. Salut, Laura. Et n'hésitez pas à poser vos questions. On se dit tous les soirs sur Fun Radio. Si vous êtes dans un internat, on fera la question de l'internat dans pas longtemps, là, bien sûr. N'hésitez pas à nous appeler avec les potes, les copines. On a souvent des mecs. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des filles aussi le soir pour la question de l'internat. J'ai l'impression qu'il n'y a que des mecs à l'internat. Bah ouais, on a déjà eu des filles, hein, mais pas encore assez. N'hésitez pas à nous appeler. 01 42 48 5000, vous pourrez venir poser votre question. Et puis on aura aussi le chiffre d'Alice avec des sextoys Lélo pour tous ceux qui vont réagir. On parle de quoi ce soir, Alice ? Il paraît que certaines personnes rêvent assez régulièrement qu'elles font l'amour avec une personne sans visage. Donc on va parler des rêves érotiques les plus chelous qu'on Lâchez-vous, dites-nous tout, vos rêves érotiques les plus chelous. On va tout vous dire, nous aussi. Vous bougez pas, dans un instant, on revient avec la nouvelle bombe de Calvin Harris, My Way, sur Fun Radio. On l'écoute maintenant, c'est parti, c'est Love in Fun. Why wait to say, at least I did it my way, lie way too fast, but in my heart I understand, I made my move, and it was all about you, now I feel so far removed, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way, you are the one thing in my way. did it my way. I way too fast, but in my heart I understand. I made my move, and it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. One thing in my way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Calvin Harris, My Way sur Fun Radio. Le chiffre d'Alice dans Loving Fun sur Fun Radio. Et Fun Radio qui est une radio solidaire, hein, il faut quand même le savoir et le dire, du Pasteur Don. Hein, tu connais bien le Pasteur Don, Doc. Hein. Oui, c'est donc c'est pour donner de l'argent à Pasteur pour faire de la recherche. C'est ça, ça lutte contre toutes les maladies. Pasteur, oui, bien sûr, notamment les infections. C'est ça, cancer aussi, Parkinson, sida, et on se mobilise en tout cas nous ici à Fun Radio. Et on vous invite à faire des dons si vous le voulez, bien sûr, hein, si vous le souhaitez. C'est le site pasteurdon.fr ou au 3620 si vous voulez bien évidemment aider, voilà, à lutter contre toutes les maladies. Il faut rappeler aussi que quand vous faites un don comme ça, vous avez un reçu et c'est déductible des impôts, faut pas l'oublier. Exactement. C'est, voilà, donc vous faites un don, votre générosité. Vous aide à payer moins d'impôts. Exactement. Faut Pasteur, pas l'oublier, même si. Non, mais c'est bien. Mais en fait, bien bon, on le fait parce que c'est essentiel, parce que la recherche ne peut pas émaner uniquement des pouvoirs publics. Les fonds doivent être privés et le don, c'est quand même tout le monde peut participer, donc apporter sa contribution. Je rappelle que là actuellement, notamment en matière infectieuse, la résistance aux antibiotiques est de plus en plus importante et on peut craindre dans les années à venir. Je crois qu'il y a un journal, je sais pas, c'est Nouvel Obs. On va tous flipper, là. Et que, ça existe maintenant, ça existe pour la blénorragie, par exemple, ce qui nous concerne, enfin, dans les maladies. En fait, on se bourre de médicaments, et donc, du coup, Les germes deviennent résistants. Non, ouais. C'est les germes qui deviennent résistants, de plus en plus résistants. Et pour certains, on a des bacilles multirésistantes, des bactéries multirésistantes, qui effectivement ne peuvent plus accéder à un traitement antibiotique. Et j'ai entendu autre chose, on en parle. Il faut trouver d'autres alternatives. Genre dans l'avenir, avec le changement climatique, ouais. Il pourrait aussi apparaître de nouvelles bactéries, de nouvelles maladies. Mais toujours, ça a toujours existé, ça. Ouais. La preuve, le sida, c'est nouveau. Il y a d'autres virus, bien sûr, évidemment. De la microbiologie, oui, on peut avoir des tas de nouvelles maladies, mais surtout des résistances telles qu'on ne pourra plus les traiter. En tout cas, si vous voulez faire un geste, pasteurdon.fr ou au 3620. On va passer au chiffre d'Alice et ce soir, on va parler des rêves érotiques. Donc, on était déjà en train d'en parler en antenne. Je sais que Cassim a rêvé qu'il était en train de se taper quelqu'un dans l'équipe. Ouais. Hein, pas n'importe qui. En plus, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, je tiens à le préciser, puisque c'est Cindy du Standard. Ouais. Hein, Ah oui. Ça, c'était bon en plus. Hein. Ah, ouais, non, mais attends. Cindy? Non, c'était qu'un rêve, Cassim. Ah, voilà. Ouais, c'est ton chiffre ce soir. Qu'est-ce que c'est exactement, Alice? Eh bien, il y a une personne sur cinq qui a déjà rêvé qu'elle faisait l'amour avec une personne sans visage. Ça fait partie des rêves érotiques assez récurrents. Et balancez-nous vos rêves érotiques les plus chelous. Ça m'étonne pas, ça. Ah ouais, non, mais... Ouais, c'est l'inconscient qui s'exprime. Donc forcément, ce n'est pas une réalité physique. Le fantasme, c'est quelque chose qui, quand même, dans l'imagination aussi. Voilà, donc il y a des tas de gens qui peuvent avoir des rêves extrêmement louches. Mais pourquoi sans visage ? Enfin, je veux dire, c'est bizarre, quoi. T'as pas besoin de visage pour faire l'amour. Oui, non, mais ça c'est vrai, mais bon, après tu fais l'amour avec une personne parce étrange. Que c'est ce que produit ton inconscient à ce moment-là précis. Alors, ce qui est un visage et que tu ne te souviens pas du rêve dans sa totalité, c'est possible. Ah, moi je m'en souviens. Elle avait le visage de Katoche. Elle était belle. Qu'est-ce qu'il y a, Katoche ? Tu veux dire un truc ? Non, non, moi. C'était pas un rêve, c'est ça ? Non, non, j'ai pas un masque quand je fais l'amour. D'accord. On voudrait en savoir plus, mais on va d'abord accueillir Mélanie. Mélanie, 21 ans d'Épinal. Bonsoir Mélanie. Salut tout le monde. Salut Mélanie. Les rêves les plus chelous, voilà, érotiques bien sûr. Hein. Qu'est-ce que t'as vécu toi ? Eh ben en fait, moi j'ai fait un rêve une nuit et en fait quand je me suis réveillée le matin, les draps étaient un peu mouillés, beaucoup. Ah. t'as transpiré parce que la transpiration est classique en cas de. Vas-y, ah non. Ah, tu parles de mouillure vaginale. De mouillure vaginale, d'accord. Mais non, mais c'est. Non mais j'ai pensé qu'elle, voilà. Oui, ah non. Là, c'est-à-dire que tu avais mouillé pendant la nuit. Exactement. Ouais, c'est normal. Hein. Ah mais je savais pas ça. Je pensais que c'était que les gars qui pouvaient jouir pendant leur sommeil. Non. Il y a même des filles qui sont frigides, en tout cas qui n'ont pas de plaisir, mais qui en revanche ont dans leur rêve des orgasmes. C'était quoi ce rêve, Mélanie ? T'es en train de faire l'amour à qui ? Avec quelqu'un de connu. Quelqu'un de connu ? Allez, vas-y, balance. C'est qui ? Vous êtes sûr ? Attends. On va essayer de deviner. C'est une star de la télé ? Non. C'est un acteur ? Non. Un comédien ? Non. Je sais pas, moi, un chanteur ? Non. Allez, dis-nous, c'est insupportable. Moi, je ne supporte pas. Un animateur radio ? Non. Dommage. Je sais pas. Allez, c'est qui ? C'est un inconnu ? Non, mais après, les gens, ils vont pas trop m'aimer, je pense, mais c'est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ? Bah attends. Pourquoi pas ? Il y a pire. Il a les belles tablettes. Je suis archi fan de lui depuis que j'ai 12 ans. Bah, ça va, t'as pas choisi le plus moche, hein, sans déconner. Oui. Mélanie, c'est donc tapé Cristiano Ronaldo en rêve, bien sûr. Hein. Dites-nous qui vous êtes tapé là en rêve. Non, moi, je me suis tapé Pamela Anderson, tu sais, quand j'étais plus jeune. Comment elle s'appelle cette actrice aussi, là, la blonde là, je ne me souviens même pas de son visage. Ah non, si, je ne pense qu'à elle. Le nom m'échappe. Ta femme elle va être appréciée quand même. Mais pas Mélanie Laurent, une actrice américaine, Scarlett Johansson. Ah oui. Oh putain. Ah, oui. Et j'étais dégoûté de me réveiller et de me dire que c'était pas vrai, quoi. Non, mais sans déconner. Il dit ça alors qu'il était en couple avec une fille. Oui. Il était dégoûté de se réveiller. Bah, attends, si elle écoute, t'es sur le trottoir demain. Elle te vire de la maison. Ah, mais des fois, elle te vire de la maison. Elle aura raison. Ah, mais il est en train de dire, j'étais dégoûté. Réveillé avec ma copine. Mais peut-être qu'elle n'était pas là le matin au réveil, justement. Peut-être qu'elle était déjà partie. Ça va, c'est bon. Oui, enfin, c'est pareil. Arthur, sauve-moi. Oui. Arthur, t'es là. Ouais, bah, moi, je te sauve sans souci, Karel. Merci, Arthur. T'es gentil. Arthur, t'as 22 ans, t'es à Paris. Ouais, comment ça va, l'équipe ? Ça va bien. Va, et toi ? Et tu fais des rêves érotiques, toi, hein ? Ouais, ça m'est arrivé. Et je me suis senti trop mal le lendemain quand j'ai vu mon pote. Bah, je fantasme. Sur sa mère. Non. Ah putain. Trop fort. Mais est-ce que ça veut dire, Doc, que part, il imagine qu'il peut faire l'amour avec sa maman, quoi ? Mais rien à voir. Ah bon ? Rien à voir. Le fantasme. Mais l'inconscient, c'est ça. Attendez. Le fantasme, c'est pas quelque chose de volontaire. D'accord ? Il faut quand même se dire que dans la vie, vous avez quand même une conscience de l'autre, de ce qu'il est. Donc voilà, quand vous désirez quelqu'un, vous ne désirez pas un rêve ou une image. Hein. En revanche, dans l'inconscient et le rêve, c'est ça qui s'exprime. Tout, vous ne le maîtrisez pas et ce qui vous vient, c'est comme ça. Bon voilà, ça ne veut pas dire que vous le désirez dans la réalité. Alice, tu fais des rêves érotiques, toi, Alice ? Ça m'arrive, ouais. Ah ouais ? Ouais. Genre, tu l'as fait avec... C'est pas avec toi, hein, je te rassure. Oh, ça, je le sais déjà. Je n'ai pas posé la question, Doc. Mais je te donne la réponse. Moi aussi, c'était avec Katoche. Et alors ? Ah, bah voilà, encore une. Qui ? Tout le monde s'y met. Qui a rêvé qu'il faisait l'amour avec Katoche ? Ouais. Oh, mais respectez Katoche. Toi aussi, Arthur. Ouais. Et Corentin, notre auditeur. Respectez Katoche. Corentin, notre auditeur du soir, est-ce que tu as déjà rêvé que tu faisais l'amour avec Katoche ? Non, pas forcément. Ah, mais d'accord, ok. Ah. Ah, mais ouais, quand même. Il y a 14 ans, lui. Je m'attendais à cette réponse de ta part, Corentin. Et Mickaël qui nous rejoint. Bonsoir, Mickaël. Salut tout le monde. Salut Mickaël, t'as 35 ans, t'es de Montauban. Ouais, de base, je suis de Bruxelles, mais je suis de Montauban. Eh bah, sois le bienvenu quand même. Alors, Mickaël, raconte-nous, t'as déjà eu, toi, des rêves comme ça érotiques, un peu chelous même parfois Un surtout qui m'a beaucoup marqué en fait. J'étais en internat et j'ai rêvé que pendant la nuit, une prof qui incarnait le fantasme des trois quarts des élèves de l'école venait me chercher pour aller dans un petit coin tranquille, dans une classe, en pleine nuit. Et alors, c'est ce que t'as dit aux copains le lendemain ? Putain. Non, j'ai rien dit au copain le lendemain. Ouais, parce que c'est... Voilà. Ah, du coup, mais là, on est déjà plus dans le concret, c'est-à-dire que ça correspond à quelqu'un qui, visiblement, éveille quelques désirs parmi les élèves. Ça existe chez les profs. Elle est jeune, cette prof? Ah ben, à l'époque, elle était très très jeune et très jolie, oui. Oui, bien sûr, oui. Ah ouais, non, mais bien sûr. C'est mecs... surtout qu'elle avait le chic de mettre des mini-jupes bien courtes, des décolletés bien profonds. Et donc, forcément, quand t'es devant des classes de 30, 40 ados, voilà, quoi. J'ai une question à te poser. Est-ce que les résultats ont été meilleurs à la fin d'année? Non, je suis resté un cancre à la fin de l'année. Ouais, mais tu soulevais ton bureau avec ta tub. Non, il était trop lourd. Mais pourtant, c'était pas faute d'essayer, j'ai l'impression. Hein. Non, mais pas en classe, non. Et Mickaël, aujourd'hui, t'es en couple, hein? Oui. D'accord. Oui. Eh ben, félicitations, Mickaël. Merci. Tu veux lui dire quelque chose? Eh ben écoute, je lui dis que je lui fais un gros bisou parce qu'elle est juste à côté de moi. Et elle vous fait des gros bisous aussi parce qu'elle est déjà intervenue aussi plusieurs fois sur antenne. Et puis, ah bah voilà. C'est gentil ça. Bisous. Voilà, mes chéris. Voilà. C'est la soirée de l'amour ce soir, hein, j'ai l'impression. Hein. Mickaël, voilà. Je te remercie beaucoup. Arthur, Mélanie. Ben, merci à vous. J'ai pas posé la question, Doc. Oh ben je sais que ça va être gênant puisque vas-y. Katoche est à côté. Non, j'assume tout. Tu as déjà fait des rêves érotiques? Oui, non, mais pas... Alors ça veut dire qu'il commence à mentir. Je le connais, donc. Non, je mens pas. Non, parce que si tu veux, j'ai une vie sexuelle avec Catherine très épanouie, donc j'ai pas besoin de faire de rêve érotique. Waouh. Et toi, Katoche... Waouh, j'en demandais pas tant. Et toi, Katoche, t'as déjà fait des rêves érotiques? Écoute, j'ai pas souvenir, là, comme ça, mais j'espère que j'en ai fait. Parce que bien sûr. Doc se réveille. Est-ce qu'il arrive parfois que Doc se réveille pendant la nuit pour faire quoi? Bah, je sais pas. La cuisine? Au Monopoly? Pour aller se faire une petite verveine? On n'en saura pas plus, mais on aimerait bien. Cassim, le producteur, tu fais des rêves érotiques, toi? Ça m'arrive tout le temps. Je crois que le dernier, c'était j'ai rêvé que j'étais au podium Miss France, là. Ouais. Et j'avais toutes les Ken. Oh d'accord, ok. Merci. Guillaume Standard, tu fais des rêves érotiques? Ouais, bien sûr. Ah, tu avec qui? Avec ma copine, toujours. Oh là là, le canard! C'est pas ce que tu disais dans le bureau tout à l'heure. Hein. Cindy, fais attention qu'on est ton mec, il écoute peut-être. Tu fais des rêves érotiques? Non, du tout, jamais. Ah oui, jamais? Jamais. Quelle menteuse. Mais non, elle épanouie, elle a pas besoin. Tu fais des rêves érotiques, toi, Godefroy? Ouais, et le dernier, c'était cette nuit, en fait. C'était avec qui? Avec quelqu'un de l'équipe. Mais je suis dague, il est venu avec sa copine. Ok. Voilà, Doc. Non, mais ça, je le savais. Hein. Ah. Godefroy, avant la fin de l'année, il fait son coming out, le mec. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je m'en doutais. Il y a des sextoys de Lelo, bien sûr, à offrir pour Mélanie, Arthur, Mickaël. Vous n'allez pas raccrocher, on va prendre vos coordonnées. On va vous envoyer les meilleurs sextoys du monde entier, d'accord? Ouais. Ça marche. On fait des gros bisous. Et Mickaël, je sens que ça te fait plaisir, hein, Mickaël. Salut. Hein. Merci à vous. Ah, il n'y a pas de problème, tu vas t'éclater avec ta copine. Et on sera avec David tout de suite, 16 ans de Lille. Salut David. Salut Karen. Salut. Salut à toi. Salut. David. Tu nous appelles pourquoi? Bah en fait, je fais toujours des concours avec mon frère à chaque fois et c'est tout le temps lui qui gagne. D'accord, et tu veux savoir quoi? Bah je veux savoir si c'est normal et tout et voilà. Ah, la compétition comme ça entre frangins et tout. Ah oui, c'est relou. Ah, d'ailleurs, en parlant de compétition, on va en faire une dans un instant. Vous restez bien avec nous. Hein. Ça promet. Ouais. Ça promet. On va écouter Sean Frank avec Let You Get Away sur Fun Radio. Ça, c'est une nouvelle bombe. Hein. Nouveau son là, à découvrir d'ici 3 petites minutes. Vous restez bien avec nous. C'est Love in Fun jusqu'à 22h. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés dance, électro. C'est Fun Radio. WNW. Feder. Calvin Harris. Félix J. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Oui, c'est exactement ça, Droppy. T'as tout compris.

sur Fun Radio. Encore un gros quart d'heure là pour nous appeler sur Fun Radio 01 42 48 5000. N'hésitez pas à venir vous connecter aussi sur le site de funradio.fr parce qu'il va se passer quelque chose là, justement, là, en direct sur Fun Radio. Et on a David, 16 ans de Lille, qui est avec nous. Bonsoir David. Salut Thérèse, c'est l'équipe. Salut. Salut à toi David. Alors raconte-nous pourquoi t'appelles. Bah en fait moi je vous appelle parce que donc j'ai souvent des compétitions avec mon grand frère et genre à chaque fois bah c'est toujours lui qui gagne dans tout. Genre le mec qui pêche le plus loin c'est lui. Il a quel âge? Il a 20 ans. Et toi? Moi j'ai 18. Ouais. Quelle est la meilleure compétition que vous ayez faite? Bah c'est-à-dire? Bah je sais pas, une compétition parfois ça va loin, hein, je sais pas. Bah enfin on en a fait plein mais là c'est qui m'a resté plus enfin même par exemple un truc qu'il fait c'est genre il arrive à gober 4 flancs en 15 secondes. Ah ouais, 4 flancs en 15 secondes. 4 flancs en 15 secondes. Alors qui c'est qui gagne? Bah c'est lui. C'est lui, t'es dégoûté? Ouais, moi genre j'ai fait 22 secondes. J'ai dit c'est des compétitions comme ça à limite je sais pas, c'est bien de perdre, non? Non mais faites plutôt des compétitions entre les meufs, non? Non, est-ce non. Est-ce que vous vous disputez ou est-ce que vous vous entendez bien? Non, on s'entend bien, ça va. Bah, tout va bien alors. C'est alors, vrai. Il faut savoir que David nous a envoyé son message cet après-midi. Et alors, du coup, Alice et Kassim sont tombés dans une espèce de compétition à dire que moi je te bats. Non, c'est moi qui te bats. Alors, tu nous dis, David, que c'est 4 flambis en 15 secondes, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais chronométrer. Toi, t'en fais combien, toi? Je fais 22 secondes pour 4 flancs. J'ai rien compris. 22 pour 4 flancs. D'accord, 22. Donc en 15 secondes, il y a 4 flambis. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on a des flambis. Marc, c'est tellement dégueulasse, 15 secondes, il vaut mieux les bouffer vite, non? Ah, il faut aimer gober, hein, parce que ouais. Franchement, un flambi, c'est... C'est pas top top des flambis, hein, c'est pas... voilà. Alors, Alice, tu penses que tu peux exploser Kassim? Franchement, je le sens bien. D'accord, et toi Kassim Je l'ai défoncé. Ok, donc vous avez mis en place vos flambis. Ouais. Déjà, on n'a pas la même organisation. J'ai le chronomètre. Ok, on a le chronomètre, on a surtout le Facebook Live. Kassim a prévu une poubelle au cas où, donc ça me fait assez peur. On vous a mis. Attention. Attends, Doc. C'est moi qui donne le départ. Oui, mais tu vas donner le départ, mais d'abord, je vous invite à vous connecter sur le Facebook de l'émission si vous voulez voir cet exploit ou alors directement sur le site de funfunradio.fr. On fait un petit Facebook Live pour cet événement international ce soir, une compétition entre Kassim et Alice. Oh, mais attention. Il en a 5! Je vous demande de la concentration. Le dernier, il le gobe le cinquième. Vous allez y aller au top départ du doc. Ok. Attendez, je vais en mettre plein les cheveux. Attendez. C'est bon. C'est quand tu veux, c'est doc. Parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Elle a triché. J'ai cru que c'était le faux départ. Faux départ, Alice. Oh, je viens de gober un flambi pour rien. Attendez. Allez, faux départ. Je vous demande un petit peu de concentration. C'est une compétition internationale. Il faut quand même savoir qu'il y a une association. C'est à zéro, hein. Quand je dis top. Une association de gobeurs de flambi. 5, 4, 3, 2, 1, partez. Alors partez, hein, c'est parti, c'est magnifique. Alice, oh là là, non mais 5 secondes. Ils en ont partout, il y en a qui crachent sur Alice. Non mais 10 secondes. Bah, moi, il reste des bouts, mais je les ai gobés. Hein. C'est horrible, sans déconner, vous mais êtes dégueulasse. 15 secondes. Top, c'est fini, Doc. 17 secondes, 49. Il y en a eu 10, c'était pareil. C'est Alice qui gagne. Bah oui. Bravo Alice. Merci. Bravo. Kassim va vomir. Attention, Kassim va vomir. Ça y est, c'est parti. Il vomit. C'est magnifique. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est très radiophonique. Hein. Bien sûr. David, 17 secondes 49. Vous êtes même ton frère a perdu là. Ah, est-ce qu'on peut faire un point sur les scores, s'il te plaît, Doc? Bah c'est ça, 17 secondes 49 pour Alice qui a gobé 4 flambis. Ah mais bravo, non, mais je les avais gobés avant. Bravo Alice. Non. Hey, plein, hein, c'est le chrono là, regarde. Oui, 17 secondes 49. Eh hey, oh, tu plaisantes. C'est cool. Oui, David. En fait, mon frère était 15 secondes et moi j'étais 22. Oui, bah tu t'es fait niquer. Là, ouais. Tu t'es fait niquer, mon pote. Alice, bon, écoute, moi, ce que je note, c'est que vous entendez très bien, que finalement, ça, c'est bon enfant, mais essayez de trouver des compétitions un peu plus fun. Okay. Est-ce qu'on peut essuyer le visage d'Alice? Ça me dérange. S'il vous plaît, mais ça me dérange beaucoup aussi. Ça me dérange, c'est bizarre. On dirait pas du flambi. C'est chelou. On attend la photo. Oui, David. Facebook Live, tu peux te connecter. Non, je confirme, c'est bien du flambi. C'est pas. Non, ça n'a rien passé sous le bureau. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous êtes dégueulasse. Hein. Cassim, on dirait qu'il s'est vomi dans la bouche, quoi. Ah, et va te laver. Non, mais le problème, c'est que Cassim recrache tout, en fait. Et un flambi, franchement. Tu sais, en fait, Alice a triché parce qu'elle lui a dit, en fait, c'est du sperme. Mais non, et j'ai pas triché, j'en ai même gobé un en plus du coup, de lui avant. Cassim, tu as l'habitude, toi. Bah oui, je gobe du flambi depuis très longtemps. Oui. On débriefera pas la substance flambi, en fait, une fois qu'elle est mâchée, avalée, recrachée. Ah, Cassim, c'est dégueulasse. Ça ressemble à du vomi. Voilà. Autant vous dire que c'est dégueulasse. David, je te fais une grosse bise, mon pote. Tu reviens quand tu veux sur Fun Radio. Salut David. Salut. Et Kylian. Kylian, 21 ans d'Evreux. Nous sommes en direct de l'internat. Kylian. Salut. Salut Kylian. Bienvenue dans la Vin Fun. Alors, Kylian n'est pas dans un internat, mais dans un stade de foot. Kylian. Kylian. Ouais. Ouais, tu poseras ta question dans 3 minutes, d'accord? Ok, dans 3 minutes. Sean Frank, c'est maintenant sur Fun Radio. Let you get away. Si vous voulez venir ici sur Fun Radio, 0142 48 5000. On est là jusqu'à 22h. N'hésitez pas à vous connecter sur le Facebook pour revoir ce magnifique gobage de flambi. Every time you fuck up, I will find an excuse to forgive you. And every time that you're good, I forget all the hurt and redeem you. And I don't know what I've been chasing. Put up with my message unread. You're probably with your friends or some shit. Then you come and crawl into bed. Behind our wandering eyes, the loose ends always coming untied. While I'm hanging by threads, will I miss out instead on another love? I put up with your cold shoulders. You're going through my texts and numbers as if I got something to cover. Aaron Frank sur Fun Radio. Love Is Fun. 20h-22h avec Doc, Karel et Alice sur Fun Radio. Magnifique Facebook Live qui a été posté sur le Facebook de l'émission. On voit Alice gober des flambis comme jamais. J'ai peur d'aller regarder. Quelle dextérité, Alice. C'est magnifique. Bah, écoute, c'est magnifique. J'ai beaucoup d'expérience. Et alors, je vous le dis, hein, dimanche, on fera un autre Facebook Live dans l'après-midi. Oui. Dans l'après-midi, puisque nous serons au Go Park. Oui. Le Go Park, c'est un espace très sympathique où on fait du paintball. D'accord. Alors, le paintball, c'est pas de la peinture sur ballon, hein, donc. Hein. Non, je sais, c'est des fusils, oui. C'est des fusils, oui, enfin, ça, c'est pas des fusils qui font... Oui, j'ai bien compris, oui. Il paraît que ça peut faire mal, ça peut faire des bluffs. Mais on va tous se retrouver en équipe. Oui. Dès 14h. Dès 14h, oui, et moi, je suis avec Catherine, évidemment, et on bien va tous vous piler. Je rappelle quand même que dans l'équipe, on a Cindy qui est réserviste à l'armée, hein, et donc qui pratique le FAMAS, la K-47. Oui, mais attends, moi, oui, d'accord, mais j'ai un accord avec elle pour... Ah, attends. Et c'est vrai, ça vous passe, Cindy? Je suis pas au courant, en tout cas. Non, mais... alors, par contre, elle est au courant d'ici dimanche. Ce que je viens de t'apprendre, c'est que tu es dans mon équipe. Ah bon? Ouais, ça y est, on est dans notre... Ah ben, attends. En fait, il va faire le planqué. Non, mais moi, il va l'envoyer au front. C'est ça, comme dans Call of. Une bonne campouse. Hein, ça fait plaisir. Tu attends que les gens y passent. Les deux, Catherine et moi, on vous pile, mais grave. D'accord. Ouais, alors, on a une super stratégie. Nous. Ah ouais, vous avez déjà parlé stratégie. Ouais, ça y est, on a déjà fait notre plan. Là. Ok, alors, c'est un truc de dingue parce qu'il y a aussi des grenades et tout. Ouais, et des fumigènes. Des fumigènes. Bon, bah, pas des grenades qui explosent, t'inquiète pas, Doc. Hein, ouais, ça fera un petit pampan, quoi. Tu vas avoir peur et on fera un Facebook Live, bien sûr, avec présentation des équipes. On essaiera de vous faire vivre un petit peu, justement, ce que nous on vivra à Go Park. Je rappelle qu'on fait ça parce qu'on a offert de passer une journée avec nous à un auditeur qui avait gagné le grand jeu des stickers avec Rémi. Exactement, il avait utilisé un des stickers pour faire une super photo et on sera avec Rémi dimanche. Il passera toute la journée avec nous et finira la nuit chez Alice. C'est vraiment un beau cadeau. Évidemment. Un magnifique cadeau. En attendant, on va se retrouver tout de suite en direction d'Evreux, au lycée agricole, le Robillard, à Saint-Pierre-sur-Vive, dans le Calvados. Kylian, t'es là? Kylian, vous êtes là? Ouais, on est là. Ok les gars, il y a moins d'ambiance que tout à l'heure, hein. Le surveillant est venu. Il est où le surveillant? Il est où le surveillant? Il est où le surveillant, Kylian? Oui, mais c'est question. Il est reparti parce qu'il y avait un problème de directeur adjoint dans le couloir. D'accord, ok. C'est quoi votre question, les gars, ce soir? Ah, ce serait pour savoir c'est laquelle la position la plus drôle. La position la plus drôle? Ouais. Ah, c'est celle que tu peux pas faire. Non mais c'est quoi, c'est une blague ou pas le truc? Ah non, c'est sérieux moi. Ah la position. Non, il y a pas d'histoire de drôlerie, il y a des positions qui sont très la plus loufoque, j'ai un truc dans le style. Doc, toi qui connais le Kama Sutra par cœur, est-ce qu'il y a des positions comme ça qui sont un petit peu étonnantes, qui se partagent et qui donnent beaucoup de plaisir, mais à la fois il y a un côté physique, donc une position très inconfortable, je suis pas sûr que ça donne beaucoup de plaisir, ou alors il faut beaucoup d'imagination, et puis il y a le fait d'imaginer en tout cas des positions qui sont beaucoup plus érotiques et qui déclenchent beaucoup plus d'excitation selon les personnes. La brouette thaïlandaise, vous avez déjà essayé les gars ou pas? Moi personnellement j'ai fait 2-3 fois mais ouais, alors, ils sont tous plus sur les mêmes. Attends, style, hein. C'est quoi la brouette thaïlandaise pour toi? On commence tranquille, hein, on fait les calipettes dans le lit quoi. les gars, vous voulez passer une dédicace? Dédicace à notre surveillant qui a été cool ce soir. Ouais. Au proviseur adjoint qui s'est cassé au bon moment aussi. Et aussi à tout lycée le Robillard. Et on vous envoie des capotes, les gars, distribution de capotes. Les capotes à Robillard, les gars, ils envoient. Les capotes à Robillard. Salut les mecs. Salut les mecs. On vous entend pas là, vous entend pas. On se posait la question si la vidéo elle est sur YouTube. La vidéo, mais tout est sur YouTube, les copains. Tout est sur YouTube, les gars. Mais bien sûr. Robillard, salut le Robillard, salut les gars, ciao. Salut. Je voudrais remercier notre auditeur du soir, Corentin, mon champion. On va t'envoyer un petit cadeau, toi. T'as été fantastique ce soir. T'as tout déchiré, okay, mon pote. Corentin, tu veux passer un petit message toi aussi? Ouais, mais j'ai une question aussi. C'est quoi la position préférée de Katoche? Ah, bah voilà, on termine avec une position sexuelle. Vas-y, alors. Katoche, est-ce que tu peux nous dire? Écoute, je sais pas, j'aime bien la gymnastique, mais... Est-ce que Doc est un athlète pour toi? Apparemment, non. Position préférée? Je sais pas. Ah ouais. Le poirier? Le poirier! poirier. Oh, il est incroyable. Il est incroyable. On finit sur un poirier, les amis. On voyage ce soir avec Doc et Catherine. Le poirier des îles. Merci beaucoup pour cette soirée. On vous donne donc rendez-vous dimanche après-midi pour faire du paintball avec toute l'équipe. On sera en Facebook Live. Et dimanche soir, bien sûr, dès 20h en direct sur Fun Radio, on va retrouver Marion Hanso, le Night Show avec Talon invité ce soir. Grosse émission. Quelle belle journée sur Fun Radio. Mais alors, cela dit, on est gênés. À vous les studios. On est très gênés par rapport à Doc. Hein. Ouais. Pourquoi le poirier, tout ça, on ça est va, arrêtez, arrêtez de faire genre, les filles, là, non, sans déconner. Doc, les deux chaudasses, là, du soir. Là. Oh, du tout. Ça va. J'ai des vidéos qui tournent. Hein. D'accord. N'importe quoi. Tout se sait, les filles. Hein. Ouais, tout se sait. Je suis ravie de voir que Doc et Katoche ont une sexualité très épanouie. Ah oui, ça, je confirme. Et plus que toute cette radio réunie, je pense. Hein. Oui, oui, certainement. À mon avis, Doc, il doit la faire voyager, Katoche. Il est horrible. Gros bisous. Bisous. Salut. Bon week-end. Ciao. C'est le Night Show sur Fun Radio. Bonjour, je suis Olivier du Night Show. Vous passez une soirée ennuyeuse ? Si cette soirée se trouve entre dimanche et jeudi, on injecte dans votre radio notre résine spéciale faite à base de Marion et Hanso. Et bim ! Votre soirée est sauvée de 22h à minuit. Et en plus, vous n'avez rien à payer. C'est ça le Night Show sur Fun Radio. En prime, on vous offre un pack tout amour d'une valeur de 85 centimes d'euros. Faut pas rater ça. C'est le Night Show sur Fun Radio. Tous les soirs, 22h minuit. Welcome to the Night Show. Marion. Marion. Et Hanso. Et Hanso. The Night Show. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, c'est le Night Show. Eh oui, ce soir nous avons envie d'une ambiance Accor Hotel Arena. Car on est hyper content de vous retrouver encore une fois ce soir. Je vous rappelle que Marion et Hanso Night Show, c'est du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Et on est quoi ? On est content d'être là. Bonsoir Marion. Bonsoir Hanso, comment ça va petite femme ? Écoute, je suis en pleine forme. Une journée complètement passée avec toute l'équipe. On a déjeuné ensemble, on a fait les fionfions dans le bureau, on a fait plein de choses. On a surtout préparé Tal, on a dansé, on a fait des snaps. Est-ce qu'on peut passer 2-3 snaps qu'on a fait là sur Tal tout à l'heure? Ah oui, bien sûr. On va vous les mettre sur les réseaux sociaux parce que c'est énorme. Elle sera notre invitée. Et alors nous, on a dansé sur ça. Je sais ce que je fais. Alors, du coup, pour tout vous expliquer, Tal devait faire son dernier titre qu'on adore aussi, hein, celui-là. Le temps qu'il faut. Mais nous, on lui a demandé un petit gold. On a envie de se faire le sens de la vie. Du coup, elle a accepté parce que c'est une beuh. Tout à l'heure, on aura le temps qu'il faut et le sens de la vie en live. Plein de surprises avec elle. Et on parlera aussi amour, les amis. On va parler preuve d'amour puisqu'on a trouvé une vidéo de malade. C'est une nana qui se fait marquer au fer rouge un cœur sur les fesses pour prouver à son homme qu'elle l'aime. C'est terrible, elle hurle, la pauvre. Franchement, on n'a pas pu regarder la vidéo en entier avec Hanso. Et du coup, ça nous a inspiré. Quel est le truc le plus ouf que vous ayez pu faire par amour? Rappelez-nous 01 42 48 5000. On va passer une soirée sympa. On va parler cul aussi tout à l'heure. Il y aura le pourquoi tu m'appelles, la totale. Et puis on va écouter du son aussi. Évidemment. Le tout nouveau David Guetta découvert ici. Ah, il faut dire que c'est une reprise de Charlie Eddy. C'est un son que j'adorais. Ouais. Enfin, que j'aime toujours d'ailleurs. Mais cette reprise, quand même, elle te met un coup de peps. Hein. Eh ben tu vois, moi je ne connaissais pas l'original. Du coup, je suis encore plus fan du remix. Tu sais quoi ? Je l'écoute là, je vous le dis, c'est signé, je vais faire la teuf après l'émission. Parfait. Je vous le dis, je vais faire la teuf après l'émission. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Ça va les soirées ? Ça va et toi ? Marion, Hanso, tout va bien ? Ouais, tranquille. Bah, je suis content moi aussi, je suis bien. Un petit peu triste comme d'hab parce qu'on est jeudi et que ça veut dire que demain soir, on n'est pas là. Arrête tes conneries, mais tu sais qu'on reste connecté avec les gens tout le week-end et qu'on les retrouve dimanche. Ouais, mais hey, c'est franchement cool de faire de la radio, donc si on pouvait faire ça tous les soirs. Bah oui, mais faut qu'on se repose un peu payé, quand même. Payé aussi. Oui, voilà. Non, mais là, bon. Il faut dire quand même qu'on va tourner une vidéo ensemble ce week-end, donc on va pas se lâcher, nous. Ouais, dimanche, on tourne une vidéo, mais on donne pas d'indice pour l'instant. Non. Rien du tout. Les filles, je voulais vous parler d'une application que vous connaissez certainement. Vas-y. Mais je sais plus si j'en ai déjà parlé. D'accord, Amir, mémoire, vas-y. Claque des doigts. Bah non, oui. Non, j'en ai pas parlé. Si, t'en as déjà parlé. Non, j'en ai parlé dans le bureau, mais t'en as parlé à l'antenne. T'en as parlé à l'antenne, mais redis. Hein. Bon, alors, l'application Claque des Doigts, c'est hyper simple. Il y a un numéro de téléphone, ou alors en fait, vous vous inscrivez sur claquedesdoigts@pluriel.com. Ouais. Et en fait, c'est un numéro de téléphone par SMS. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, mais absolument tout. Et eux, ils s'occupent de tout. C'est-à-dire, à tout à l'heure, j'avais faim, j'ai dit, je veux un McDo. Et ils m'ont livré mon McDo. C'est une conciergerie 2.0, quoi. Vous avez besoin d'un truc, ils le font pour vous. Évidemment, ils prennent une toute petite marge dessus, c'est normal. C'est normal. Ouais. Le déplacement, tout ça, mais c'est vrai que c'est pratique quand vous ne pouvez pas vous déplacer. Oui, tout à fait. 7 sur 7, 8 heures minuit, les mecs, ils bossent tout le temps. Voilà. Eh bien, Amir, tu nous reparleras de claques d'ici un mois, de toute façon. C'est quoi, franchement, j'utilise tout le temps, c'est trop chiant. On se fait un petit point tous les 6 du mois, Amir, merci. Allez, vas-y. Hein. Amir est connecté, hashtag Le Night Show, Marion et Anso partout, Facebook, Insta, Twitter, Snap. On est là, bonsoir Thibault Larrea. Coucou les filles. Ça va, Bichon? Ouais, ça va, je suis un peu pensif aujourd'hui. Pourquoi? Bah, vous savez, les filles, je suis peut-être arrivé trop tard pour le premier amour, mais je compte bien être là pour le dernier amour avec vous. Oh là là là là. Mais excuse-moi, ta meuf, elle le prend comment, toutes ces déclarations tous les soirs là? Ouais. Elle le prend comment? Non mais du coup ce que je fais c'est que je pirate la radio et genre le soir comme ça elle met notre radio, du coup elle peut pas écouter. T'as de la chance qu'elle fasse, ouais, un morning. Sinon tu serais mal. Bonsoir Enzo du Standard. Salut les filles, bonsoir la France, salut tout le monde. Comment ça va? Je suis hyper content d'être en week-end et puis de vous voir. Ça va faire du bien. C'est un mytho. Non, c'est pas vrai. On te manque trop à chaque fois. C'est vrai, j'en chiale tous les jours. Bon, ça se passe bien les cours de moto, tout ça? Ouais, bah ce matin encore 4 heures, demain matin encore 4 heures. Je commence à plus sentir mes jambes et aujourd'hui j'ai failli tomber d'ailleurs. Et t'as pas intérêt à le rater, hein, je te le dis. Eh non, la pression. Mais du coup, tu le passes quand ton permis moto? Normalement à la fin du mois là. D'accord. Ouh, pression. Donc voilà, je pourrais venir en grosse bécane, quoi. Est-ce qu'on pourra faire un Facebook Live en même temps? Ça serait sympa. Pas. Bon, présente-nous le premier auditeur de ce soir, s'il te plaît, Enzo. Alors, c'est Hugo, il a 18 ans, il habite à Lille, donc le code postal, hein, c'est 59 000 pour ceux qui veulent envoyer une petite lettre. Et en fait, apparemment, il allait corriger d'un truc. Je dis pas quoi. D'accord. Bonsoir, Hugo, 59 000. Salut Marion, salut Anso, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là! Alors Hugo, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors écoutez les filles, d'abord je veux vous dire que je suis super content d'être avec vous. Oui. Et ensuite j'ai besoin d'un petit conseil, parce que c'est un peu comme mes grandes sœurs, hein, tous les soirs je les écoute. Oh. Alors en fait, hier pendant la pause, on a 3 heures de maths d'affilée. En fait, le prof nous permet de prendre une petite pause au bout de 2 heures. Donc, il va boire un café et il nous laisse la salle ouverte pour qu'on puisse soit rester dans la salle parce qu'il fait un peu froid dehors ou enfin faire des devoirs si on veut faire des devoirs. Voilà. Mmh. Sauf qu'en fait, pendant qu'il est parti boire son café, en fait, il avait laissé un truc sur son bureau, une pochette où il était marqué DS mardi prochain. Oh non. Et donc en fait, j'ai ouvert cette petite pochette pour voir s'il n'y avait pas déjà le sujet. Et en fait, je suis tombé sur encore mieux que ça, je suis tombé sur le sujet corrigé du DS. Mais c'est pas possible. Bah, alors là, ça veut dire que t'as en avance le sujet du DS de mardi prochain. Ouais, sauf que du coup, j'ai besoin de savoir en fait, soit est-ce que je dois le garder pour moi ou est-ce que je dois faire partager un peu aux potes, etc. Ou... Non mais alors, déjà, Hugo, moi ce qui me surprend, c'est quand même ce prof est quand même très con de marquer sur la pochette DS machin, non? C'est comme si François Hollande mettait les codes pour lancer les trucs nucléaires, tu sais, sur une pochette. Ouais, enfin, c'est peut-être pas la même échelle quand même, mais bon. Oui, et puis surtout, je pense qu'il avait pas l'intention de l'oublier, donc voilà, il est organisé ce prof, c'est tout. Alors moi, je vais te dire, honnêtement, c'est une connerie parce que c'est de la triche, on n'aime pas ça et on n'a pas envie que tu t'en serves. Maintenant, tu les as trouvés. Donc qu'est-ce que tu veux faire? De toute façon, si tu le dis, tu vas te faire punir, donc tu peux pas. Garde-le pour toi, te mets pas dans la merde à balancer ça à toute la classe parce qu'il y en a un qui va cafeter ou alors vous allez tous avoir des bonnes notes et tu vas te faire griller. Garde-le pour toi. Voilà, je te le dis. Donc, aie des bonnes notes, aie des bonnes réponses, mais fais 2-3 mauvaises réponses quand même, Hugo. Ok. Et la prochaine fois, tu regardes pas. Non. D'accord? Ça marche. Allez, bon, ok, je fais ça. Alors, je le garde pour moi. Ça marche. Continue à être un gentil chat. On t'embrasse. Ça marche. Bisous, frérot. Bisous. Bisous, avec grand plaisir. Salut. Ciao, ciao. Bon, avec Marion, aujourd'hui, on est tombé sur un nouvel artiste qui s'appelle Apache. Oui. Et on a trouvé ça vachement bien. Écoutez, ça donne ça. C'est le fils de Valérie Damido. Hein. Ouais.